bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 7 septembre 1984, conférence intitulée « La souffrance » avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. La souffrance, la sacrée souffrance. Une souffrance, oui. C'est souffrant de souffrir. Je pense qu'il serait peut-être bon d'expliquer les différentes sortes de souffrances qui existent, soit la souffrance psychologique, la souffrance physique, et peut-être d'autres. Parce qu'il y a deux formes de souffrance. Lors de l'évolution que l'homme est en train de passer à travers. Bon, on va commencer direct. Une des souffrances, par exemple, tu as plusieurs types de souffrances, comme tu viens de dire, la souffrance physique, la souffrance psychologique. C'est quoi une souffrance? Ben, par exemple, tu aurais un caméraman, par exemple, qui pense filmer une conférence puis que sa caméra n'est pas enclenchée. Mais quand il va découvrir ça, il souffre. Parce qu'il s'attend à ce que son patron fasse des choses qui ne sont pas catholiques. Des genres de souffrance, c'est une souffrance psychologique. Un autre type de souffrance psychologique, c'est un enfant qui a coulé ses examens. Il souffre psychologiquement parce qu'il s'attend évidemment à recevoir une correction physique. Alors, ce qui fait que si on regarde les types de souffrance, tu as la souffrance physique, la correction, tu as la souffrance psychologique, par exemple, ton caméraman ou bien non l'enfant. Vois-tu, c'est que la souffrance, qu'est-ce que c'est? Si on résume brièvement, c'est simplement le refus d'une entité à effacer une mémoire. Donc, la souffrance, c'est simplement la lutte que va exercer une mémoire pour empêcher sa disparition. C'est ça, une souffrance. Mais là, on va maintenant expliquer. Là ça, c'était ésotérique. Maintenant, on va passer une heure à expliquer ça, ce petit bout-là. Alors, vois-tu, c'est que la souffrance physique, c'est quoi? Premièrement, c'est que des stimuli au niveau physique. Par exemple, je te pince, tu tombes dans un trou, un précipice de 400 pieds, et puis tu t'égratignes tout partout, ou plus. Alors, ce qui arrive, c'est que le corps physique perçoit certains stimuli qui sont transportés par les nerfs dans certaines régions du cerveau. Bon, un nerf qui transporte tel genre de stimuli, quand ça arrive au cerveau, c'est automatiquement quelque chose. Alors, ça va être du plaisir, ça peut être aussi une souffrance. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que l'état de souffrance que le corps physique va vivre dépend, premièrement, de la quantité d'impulsion qui parvient au cerveau. Hein? Si je fais une te toucher ou bien non, je te rentre le doigt carrément à travers la jambe ou un clou, alors il y a plus d'impulsions qui vont se rendre par des nerfs d'une certaine nature et qui vont se rendre dans une région particulière du cerveau. Quand le cerveau, la conscience, reçoit une information dans ces régions-là par ce genre de nerfs-là, automatiquement, pour elle, ça veut dire alerte. Bon. Donc, elle l'enregistre comme une souffrance. Si la douleur physique, c'est quoi? Quand tu bois quelque chose que c'est salé, tu goûtes le sel. Mais si, disons que le stimuli du sel irait dans une région du cerveau où, normalement, cette région-là capte des choses qui donnent l'alerte, ben, automatiquement, le fait de goûter du sel te serait douloureux. Tu souffrirais. Mais c'est un stimuli comme un autre stimuli. Sauf que le corps est fait de façon à ce que certains stimuli soient déclenchés seulement, en théorie, quand il y a une atteinte donc à l'organisme physique, interne ou externe, empoisonnement, ulcère perforé ou des choses dans le genre, ou des blessures extérieures. Mais ce qui va arriver, c'est que ça dépend aussi, il y a une autre chose. Ça arrive au niveau de ton conscient parce que toi, tu sais que t'as mal. Tu interprètes le phénomène pas comme étant une jouissance totale, mais comme étant une douleur atroce. Évidemment, il y a certains types d'individus qui, on appelle ça des masochistes, eux autres, une douleur physique l'interprètent comme étant une jouissance. Parce que justement, l'endroit cérébral où va aboutir le stimuli, hein, est à quelques neurones près, à côté de la traque, ce qui fait que lui est normal. Quand toi, tu manges une pomme, tu aimes ça. Alors, pourquoi? Parce que le stimuli, donc tout l'amalgame de stimuli gustatifs, vont dans une région cérébrale et vont refaire surgir des mémoires ou simplement sont localisés par une programmation dans une région cérébrale qui, elle, catalogue ça comme étant correct, donc du plaisir. Mais par contre, si ça s'en va dans une région catalogue ça comme étant une douleur, bien, le fait de manger une pomme te fait mal. Okay? Alors, la douleur physique, c'est l'homme est bien faite, en ce sens que si on me masse, C'est une légère forme de douleur, parce que des fois, un massage, ça fait mal, mais c'est un mal qui fait du bien, on dirait. Hein? On est juste à la limite entre la douleur. Alors, ce qui arrive, c'est que le cortex, c'est-à-dire que la conscience de l'homme, sachant ce que tu fais, hein, connaissant que tu l'attaques pas, que tu l'agresses pas, mais que tu veux lui faire du bien, ben automatiquement, la programmation consciente de l'homme va faire en sorte que le stimuli douloureux va s'en aller dans une région de la conscience, donc le cerveau, une région qui va analyser ça ou qui va accepter cette souffrance-là comme étant bienfaisante. Mais si tu vas un peu fort ou s'il se passe quelque chose, automatiquement, l'influx est légèrement plus puissant. Il se ramasse à l'endroit normal, disons, de la conscience, un endroit où est focalisé tous les influx nerveux qui viennent dire alerte, donc souffrance. Quand je dis que la souffrance, c'est simplement un refus que va exercer une mémoire à son effacement, si je te coupe, si je t'écrase, si je te pince physiquement, qu'est-ce que je fais? Je transforme ta matière physique. J'ouvre ton corps, donc c'est plus la même main. Je fais un bleu, donc un hématome, donc c'est plus le même bras. Il y a eu une transformation dans la mémoire du corps. Le corps est transformé. Et pour refuser cette transformation-là, il y a donc un symptôme d'alerte qui veut dire, bon, ben lui, il est en train de te couper, là, ben ça fait mal, donc organise-toi pour qu'il arrête de te couper. Bref, arrange-toi pour que la mémoire du bras, donc dans la matière physique, arrête de se faire transformer. Ça, c'est la souffrance physique et qui est absolument essentielle pour la survie de n'importe quel genre d'espèce sur la planète. C'est normal. Mais quand je te dis que cette souffrance-là dépend aussi, et c'est très, très, très, mais très important, de l'interprétation psychologique, donc émotive, donc astrale en ésotérisme, que l'individu va faire de la réception sensorielle de cette innervation-là au niveau douloureuse. Alors, ce qui fait que moi, je fais juste arracher, me tirer un peu sur une dent qui est branlante, puis tu grimpes après le rideau, tu cries au meurtre, il n'y a rien à faire. Un autre individu, tu peux lui ôter toutes les unes après l'autre à froid. Est-ce qu'il a moins mal ou si lui interprète d'une façon plus, disons, contrôlée le stimuli douloureux qu'il perçoit? Certains individus vont pouvoir recevoir des points de suture, des fils pour refermer une plaie. Là, les médecins font ça, on appelle ça des points de suture. À froid, sans être gelé, mais d'autres, il n'y a rien à faire, ils vont geler tout seul, ils vont perdre connaissance. Ben, c'est un choc psychogénique. Bon. Alors, qu'est-ce qui arrive, c'est que la douleur, le stimuli physique peut, évidemment, être plus bas chez un individu que chez un autre. Quelqu'un qui perd la sensibilité, par exemple, d'un membre, d'un doigt ou quelque chose, parce qu'il y a eu une engelure à un moment donné. Donc, il y a eu des cellules nerveuses qui sont mortes. Bon, il y a des choses comme ça. Mais ça, c'est minime. Un individu qui résiste plus à la douleur, c'est un individu qui psychologiquement interprète d'une façon plus contrôlée le stimuli de douleur. Autrement dit, tu plantes un clou dans le pied, tu pars à broyer, t'as beau avoir 40 ans, il n'y a rien à faire, c'est une douleur terrible, parce qu'en plus d'avoir la douleur physique, donc transformation au niveau de ton corps, donc de ta mémoire corporelle, bien évidemment, tu vas interpréter le synonyme de douleur, le symptôme de la douleur au niveau de ton cerveau, d'une façon telle que ton mental n'a plus rien à faire là, c'est-à-dire que ton intelligence, ton intellect n'a plus à réfléchir. Tout ce qui se passe, c'est qu'il y a une émotivité astrale qui ne veut qu'exprimer le fait que tu souffres. Donc, elle l'emporte et tu souffres encore plus, mais plus de ton pied. Tu viens simplement d'ouvrir un immense robinet émotif qui coule. Mais plus tu cries, vous pouvez essayer ça, certains l'ont peut-être déjà essayé. Quand tu te fais mal, tu cries. Mais crie fort, puis concentre-toi sur ton cri. Bon, tant que tu veux, tu vas voir que tu vas enterrer ta douleur. T'as plus mal. Hein? Bon, alors le fait que tu pleures, le fait que tu t'emportes, bien lentement, ce qui va arriver, c'est que c'est même plus la douleur physique, c'est juste la douleur physique a pu engendrer dans tes mémoires l'ouverture, disons, d'un robinet, qui fait que là, tu ne fais qu'exprimer les phénomènes inconscients, donc, sont dans la mémoire volatile de l'âme, hein, ce qui entoure l'ego, ce que l'on a pu ramasser, mais qui ne fait pas partie de notre personnalité, de notre ego. Tout ce que ça fait, c'est que toutes les fois que j'aurais voulu être, à recevoir de l'affection, et que j'ai pas eu ça, mais ça m'a pas perturbé, toutes les fois que j'aurais voulu donner de l'affection, parce que donner et recevoir, c'est la même chose, à un moment donné, tu vas pleurer parce que tu peux pas en donner, ou parce que t'en reçois pas assez, par fin de compte, tu mélanges les deux, puis tu t'ennuies, puis plus rien qui marche. Hein? Quelqu'un qui s'ennuie, si quelqu'un vient le cajoler, il s'ennuie plus. Ou s'il y a quelqu'un à cajoler, il s'ennuie plus. Hein? C'est le même phénomène. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'ouvrant faisant l'ouverture de ton robinet parce qu'il y a une douleur physique, la douleur, tu t'en balances. tu crois toujours parce que le mental de l'astral, parce que faut savoir que le corps astral a une légère parcelle d'intelligence, intelligence aberrée, comme le mental a une mémoire astrale, mais qui ne tente pas de teinter le mental. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu vas toujours te dire, ben oui, mais c'est mon pied. Ben oui, mais arrête de pleurer, ça fait pas si mal que ça, on va te l'arranger. On sait bien, c'est pas toi qui s'est planté le clou dans le pied, puis c'est ici, puis c'est ça. Puis bref, tu essaies de donner un raisonnement. Donc, tu essaies de former une logique qui est illogique, parce qu'une logique, c'est quelque chose de mathématique. Et une logique mathématique, c'est la seule chose qui peut présentement, disons, diriger l'homme dans le contexte terrestre, ça va de soi, parce que la logique mathématique n'a plus aucune logique sur une autre planète. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est que tu essaies de te créer une logique émotive. Mais je me suis planté un clou dans le pied. Égal, ça fait mal. Égal, ben si ça fait mal, normal que je crie. Hein? Puis, lentement, l'ego embarque là-dedans. Je crie pas pour rien quand même. Fait que si tu me dis de me taire parce que c'est juste un clou dans le pied, ben je me défends encore plus. Puis pour te prouver que ça fait mal, je crie encore plus. Alors ça, c'est un phénomène, j'explique, là. On voit souvent chez l'enfant des genres de choses comme ça. Il se fait mal, il part à broyer. Bon, donne-lui un biscuit ou un jouet, puis arrête de pleurer, c'est fini. C'est l'ouverture du robinet qui part. Si tu y amènes quelque chose qui vient activer son astral dans un autre sens, ah, tiens, c'est peut-être bon pour l'estomac, ça. Mais la douleur, elle peur et pas pour la douleur, elle. Non, ça l'a stimulé quelque chose qui enclenche un réflexe astral émotif, souffrance psychologique, beaucoup plus que souffrance physique dans ce cas-là. Mais il n'y a plus de souffrance physique. Il continue à pleurer pareil parce qu'il y a mal. Il y a mal où? Il n'y a pas mal nulle part, mais c'est parti. Hein? C'est un réflexe, c'est parti. Exactement comme un tic nerveux, là. Bon, ben tu sais que tu n'as pas cligné de l'œil, mais ça cligne tout seul. Bon, ben c'est la même chose. Alors, tu as ton réflexe astral, ton réflexe émotif qui t'amène ça. La douleur psychologique, elle existe aussi. La douleur physique entraîne toujours une douleur psychologique. Donc, une souffrance dans l'émotivité de l'individu. Par contre, une douleur psychologique, émotive, n'a pas nécessairement besoin de douleur physique pour naître. Alors, ce qui fait qu'un individu peut souffrir dans sa psychologie sans qu'il y ait de douleur physique, donc d'attaque. Alors, ma blonde ou mon chum, ma femme, mon mari ou mes enfants déménagent, prennent un logement. Puis moi, ben j'ai une agression dans ma psychologie. Pourquoi? Parce que j'ai mon contexte familial, mon foyer. Hein? Ça, c'est comme ça. Si mon enfant déménage pour vivre avec un autre, si ma blonde ou mon chum me laisse, automatiquement, mon contexte mémoriel familial est obligé d'être transformé. Hein? Mes enfants viennent de partir, c'est la même maison plus pareille. Donc, il va y avoir un refus à cette transformation mémorielle-là, mémorielle que tu as dans ta tête. La maison n'est plus pareille sans lui. Pourquoi? Parce que tu essaies toujours de le voir dans la maison, puis il n'est pas là. Hein? Donc, il y a une mémoire dans ta tête. Si tu ne l'aurais jamais connu, lui, tu n'auras pas de souffrance. Alors donc, il y a une transformation dans la mémoire psychologique, l'individu n'est plus là. Et il y a donc cette mémoire-là lutte pour ne pas être transformée. Donc, il y a souffrance. Au même titre que le corps physique qui refuse d'être coupé. On dit que c'est pour l'instant, c'est logique, c'est évident, c'est intelligent de ne pas vouloir se faire charcuter. Mais la souffrance, quand même, est là. C'est utile, parfait. Mais quand une souffrance devient inutile, ben, à un moment donné, on aimerait ça, nous autres, par exemple, le dentiste veut t'ôter une dent, ben, il y a un caloté, tu ne souffres pas. Parce que là, tu sais ce qu'il va faire, plus besoin de souffrance. La souffrance est plus utile, là. Pas besoin de m'avertir qu'il m'ôte la dent, crème, il joue dans la bouche, puis il est en face de moi. Je sais qu'il m'ôte une dent, hein? Bon. Ça saigne partout. Mais ce qui va arriver, c'est que, d'accord, pour la souffrance physique. Mais vu, comme j'ai déjà expliqué, que l'homme a une douleur à l'estomac, souffrance physique, donc alerte, l'estomac est en train de se transformer, soit par une ulcération, quelque chose comme ça. Donc, automatiquement, il y a la mémoire de l'estomac, la forme qui garde l'estomac tel quel, est en train d'être transformé par une ulcération. Donc, il y a souffrance. Mais ça, c'est bon, ça avertit le conscient qui devrait arrêter d'être nerveux, qui devrait arrêter de manger telle ou telle affaire. Mais vu que l'homme est trop émotif et pas assez intelligent d'une façon intellectuelle, donc mentale, ben automatiquement, si la souffrance vient dire « Hey, le cave, arrête de bouffer ça, c'est pas bon », la souffrance disparaît. Ben le cave, c'est pas cave, il va dire « Parfait, j'en bouffe plus ». Mais le cave, vu qu'il est cave, il continue d'en bouffer, sa souffrance disparaît parce qu'il pense que c'est un passager, il pense que c'est réglé. Donc, la souffrance doit venir, et même quand tu sais que le dentiste ôte la dent, ben faut t'aille mal aux dents pareil. Parce que tu peux pas contrôler ton contexte de souffrance physique parce que t'es pas prêt. Mais la souffrance psychologique, elle, est-ce qu'elle a une raison d'être? C'est elle qui vous fait souffrir. Parce que si on serait au Bangladesh ou encore dans les pays où ils se battent, ben là, on comprendrait qu'il y a des souffrances physiques dans le monde qu'on rencontre. Mais quelle est la souffrance réellement qui mine les sociétés sans souffrance physique? Ben, c'est la souffrance psychologique. Souffrance psychologique, est-ce que la peur est une souffrance psychologique? Non, pas dans l'état natif. C'est une forme d'émotivité. Hein? C'est une lutte qui existe entre un désir et la peur que le désir ne soit pas assouvi. Je désire avoir une auto, donc j'ai peur de ne pas avoir d'auto, donc j'ai peur. Mais quand la peur finit par te hanter sans que tu, toi, connaisses de quoi tu as peur. J'ai peur de la peur, mais ça c'est cave, tu sais pas de quoi tu as peur, c'est ça qui est le problème. Je sais pas, mais j'ai peur. J'ai peur le soir, j'ai peur quand je me promène sur la rue. Ça doit être, j'ai peur de me faire attaquer, mais t'es pas sûr. Cette peur-là commence lentement à devenir une souffrance. Pourquoi? Parce que tout ton être qui normalement, naturellement, ne devrait avoir peur que quand il y a une stimulation psychologique, disons que la société t'a enseigné, un individu qui te saute dessus, ben, ou un taureau qui te fonce dessus dans une ruelle sans sortie, tu sais, c'est normal, t'as peur. C'est inutile d'avoir peur, mais disons que c'est normal. Mais quand tu sais plus de quoi t'as peur, t'es donc lentement en train de devenir la peur personnalisée. Donc, la mémoire de ton ego psychologique est en train de se transformer. T'es plus toi, crime, t'as peur tout le temps. Vu que tu refuses cette transformation mémorielle-là, t'es mieux de la refuser aussi. Donc, tu vas souffrir de la peur. Mais ça va devenir une souffrance. Là, tu prends les pelules. Ça règle pas le problème, en tout cas. Ça règle le problème de certains pharmaciens. Bon. Alors, donc, ta peur psychologique, elle, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Premièrement, la souffrance psychologique. Ben, il faudra savoir si elle est utile. Est-ce que la souffrance psychologique, au même titre que la souffrance physique, est un phénomène d'alerte pour avertir l'individu que son corps qui souffre est en destruction ou en transformation? Voilà, puis c'est important, destruction ou transformation. Il y a certains individus ici qui commencent à se conscientiser d'une façon bizarre, c'est-à-dire qu'on parle, disons, de descente d'énergie ou de captation d'une forme d'énergie, de mutation cérébrale ou de mutation psychologique. Mais les deux sont souffrantes. Pourquoi? Parce que la mémoire physique, le corps physique qui est retenu dans une forme mémorielle, parce que tous les jours, on est pareil. Quand on se lève le matin, on se regarde dans un miroir, ben on se reconnaît. Parce qu'il y a une mémoire qui fait, notre corps est mémorisé, il se transforme pas. On appelle ça la génétique aussi, en médecine. Alors, il y a une génétique qui fait que quand on accouche d'un enfant, ben il ressemble à un être humain. Parce qu'il y a une mémoire qui est la génétique qui va transmettre un peu de la mère, un peu du père, un peu de la grand-mère, du grand-père, puis des autres contextes familiaux, parce que, bon, il y a 4 grands-pères, 4 grand-mères, puis 8 arrière-grand-mères, 8 arrière-grand-pères, puis bon, etc. Alors, c'est une mémoire, ça, qui fait qu'à un moment donné, on a un enfant qui ressemble à un être humain. Bon. Sauf quand la mémoire est brimée. Donc, quand les gènes sont inadéquats par mutation, soit à cause de, comme ceux qui ont été exposés aux radiations des bombes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki, ben la mémoire a été transformée, donc les gènes ont été transformés, puis ils ont donné naissance à des monstres. C'est normal. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette mémoire-là physique, ben, quand on a un stimuli, par exemple, qui nous agresse, c'est parce qu'il y a une transformation. Mais si on a une conscientisation, donc une transformation neurologique, ben, il y a une transformation de la mémoire physique, donc souffrance. C'est normal. Bon. Il y a aussi souffrance au niveau vital, au niveau du centre cardiaque, par exemple, qui peut ressembler à des maladies coronariennes, mais ça peut aussi se répercuter dans le corps humain par un infarctus du myocarde radical qui dure 1 seconde et demie. Alors, un infarctus, c'est simplement une partie du muscle cardiaque qui, à un moment donné, manque d'oxygène. Alors, ce qui fait qu'il y a donc une souffrance parce qu'il y a des cellules qui sont en train de souffrir parce qu'ils sont en train de mourir. Ils souffrent pourquoi? Parce que leur mémoire vivante est en train de se transformer. Donc, souffrance. Alors ça, c'est un infarctus. Normalement, un individu qui souffre d'angine de poitrine et qui a un infarctus, ben, c'est très, très, très dangereux. Il faut qu'on le rende à l'hôpital. Mais dans ceux qui se conscientisent, il y a même des jeunes qui, tout d'un coup, ressentent une aiguille et traversent bord en bord au niveau du cœur et au niveau du sternum, une douleur rétrosternale. Bord en bord jusque dans la colonne vertébrale, ça fait extrêmement mal. Ils n'ont pas le temps de crier que la douleur est complètement disparue. Bon, le pouls, il est normal, ils font pas d'angine, ils ont pas de symptômes de pathologie cardiaque, ils ont rien. Il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Mais c'est une, donc automatiquement, il y a une souffrance. Alors c'est normal, disons, que dans la conscientisation, que l'homme vive certaines souffrances. Normal, mais pas naturel selon moi, mais normal. Bon, alors donc, la souffrance, c'est quelque chose qui t'avertit qu'une transformation, d'une mémoire physique ou psychologique, mais c'est pas nécessairement pour te détruire, mais c'est mieux que tu sois conscient que tu souffres pour savoir si c'est parce qu'il y a quelque chose qui te détruit ou parce que ça te construit. Quand tu fais de l'exercice, tu vas accumuler au niveau de tes muscles, par exemple, énormément de ce qu'on appelle de l'acide lactique ou de la fatigue. Bon. Alors, à un moment donné, le lendemain ou deux jours après, tu es raqué. Et c'est normal. Tous tes muscles au complet sont en train de... Tu viens de leur donner de l'exercice. Alors, c'est normal qu'il y a une transformation au niveau du métabolisme qui s'opère, là. Puis si tu continues à faire ça, tu n'auras plus de raquage. Tu ne te sentiras plus raqué. Pourquoi? Parce que les muscles viennent d'enclencher un phénomène qui sont prêts maintenant à se transformer, que tout va bien. Maintenant, c'est normal pour eux autres. Donc, c'est dans leur mémoire, c'est correct. Mais les premiers temps, il y a une souffrance. La souffrance est bonne. Tu t'améliores. C'est parfait. Quand tu as une brisure, par exemple, ça fait mal, mais quand tu as guéri, ça pique, ça fait des choses bizarres avec parce qu'il y a une transformation mémorielle, donc automatiquement, il y a souffrance. Mais la souffrance psychologique, c'est elle qu'il faut qu'on parle. Parce que c'est évident que si vous vous donnez un coup de marteau sur le pouce, ben ça fait mal. C'est sûr, arrêtez de le donner, ça, c'est correct. La souffrance-là vous avertit de quelque chose. Bon, de la crier, ben si tu cries pour essayer d'enterrer ta douleur, ça a toujours de l'allure. Parce que ça fait sa marche. Bon. C'est évident, si tu t'as amputé le pied, t'auras beau crier. Oui, pose-moi une question, on va pouvoir boire. Qu'est-ce qui se produit lorsque les yogis, par exemple, marchent sur des charbons ardents dans le feu? Puis qu'ils ne souffrent pas. Qui ne souffrent pas, qui ne brûlent pas. Voilà, il n'y a pas de transformation de mémoire, donc il n'y a pas de souffrance. Bon, ça, c'est facile à répondre. Maintenant, c'est de savoir comment ils font marcher là-dedans sans souffrir et sans le brûler. Ça, vous le dites comment pas. Transforment-ils leur mémoire à ce moment-là? Ouais, mais on va revenir à notre mémoire psychologique avant, parce que c'est plus important de savoir pourquoi ceux qui souffrent souffrent que de savoir pourquoi ceux qui souffrent pas souffrent pas. Définitivement. Alors, on pourrait y revenir un moment donné voir ce qu'ils font là-dessus. Il faut savoir si c'est utile de marcher sur des chardons en plein. Hein? Bon, chacun a son métier. Pour celui qui le fait, ça peut l'être. Ouais. Pour les autres, aujourd'hui, je pense, dans l'air qu'on passe présentement, c'est pas nécessaire. Non. Disons qu'on va peut-être avoir nos chardons ardents prochainement à la pause. Okay. Bon, alors là, souffrance psychologique, c'est ça. Toi, tu souffres. Maintenant, c'est que je vais donner des exemples de souffrance psychologique parce que tous les individus sur la planète Terre présentement sont sujets à cette souffrance psychologique-là. Alors, l'individu qui a un ego qui est capable de lui dire que lui ne souffre pas, ben il est mieux de se taper la tête ses murs pour souffrir assez pour se réveiller parce que quand il va se réveiller sans le vouloir, il va souffrir en maudit. Fait qu'il est mieux de bon. Alors, ce qui fait que, je vais donner des exemples pour être sûr que les égaux vont se reconnaître. Parce que la souffrance psychologique, ça touche tout le monde. Est-ce que si vous vous ennuyez, bon, vous êtes sujet aux souffrances psychologiques parce que vous avez un contrôle de votre astral sur votre mental. Bref, vous êtes manipulé par vous-même, sur vous-même. C'est amusant. Bon. Puis connaissez que vous vous connaissez, hein. Vous avez de la misère à diriger votre vie. Fait qu'imaginez-vous quand vous dirigez vos émotions, ce que ça peut donner. Alors, c'est pas pour nous culpabiliser, là, mais il faut prendre conscience qu'on est sujet à ça. Parce que sans ça, si on en prend conscience comme il faut, ben, on a de fortes chances d'arriver, à un moment donné, à comprendre le phénomène de la souffrance, les mécanismes sous-jacents à la souffrance. Puis si on voit qu'il y a une utilité à la souffrance, parfait, souffrons encore. Si on voit qu'il n'y a pas d'utilité à la souffrance, ben, maudit, c'est son souffrir. Bon. Faut pas souffrir parce qu'on souffre. Mais il y en a beaucoup qui souffrent parce qu'ils souffrent, justement. Puis c'est souffrant de souffrir. Ça, c'est important. Alors, ce qui arrive, voilà. C'est que mon contexte psychologique, moi, j'aimerais rencontrer mon patron pour demander une augmentation, mais j'ai peur de le rencontrer. Très bien. Ouais. Vu du patron, évidemment. Mais si ça fait 2-3 ans, ben, à un moment donné, je souffre de ça. Pas de la peur de voir mon patron, mais la peur de ne pas être capable de dire que mon hamburger qu'ils m'ont donné n'est pas bon. Au restaurant, hein? Pas être capable de dire qu'il y a une affaire qui est faite dans mon verre d'eau à eau est triste parce que je suis pas capable non plus. Pas être capable de dire que le change qui m'a remis en manque, hein? Ben, c'est pas correct. Pas être capable de dire quand quelqu'un ferme la porte au nez de ton affaire, non, c'est fermé, monsieur, puis t'insistes pas, tu sais. Non, pas capable. Pas capable de te rendre compte que le char revient de vente et de te faire fourrer complètement, t'es pas capable d'aller y retourner voir le gars. Bon. Mais à un moment donné, quelqu'un comme ça, qui est évidemment manipulé par son propre astral, qui accepte la manipulation de l'astral extérieur, qui se culpabilise ou encore qui souffre d'un complexe d'infériorité. Mais pas, tu sais, là, je donne des exemples. C'est pas nécessaire d'être pathologique, là. Il y a même quelque chose dans le genre. C'est pas nécessaire d'être arrogant puis de crier puis de taper ses tables, parce que si tu fais ça, tu souffres du même maudit complexe. Vu que t'es pas capable d'être intelligent, d'être poli, puis de le dire simplement, ben il y a quelque chose qui flotte dans le verre d'eau, n'auriez-vous un autre? Laissez-moi là, j'aime ça le voir, mais tu sais, là, quelque chose de même, tu sais. Ben si t'es pas capable de le faire, puis faut que tu te mettes à sacrer, puis tu groches l'eau, puis tu sais, c'est le même maudit complexe. Mais tu veux tellement être sûr que tu souffres pas du complexe d'infériorité que t'essayes de grogner assez fort pour te convaincre toi. Mais, hein, t'es perdu pareil. Quand t'as pas une gueule plus fort que toi, ben là, t'es plus capable de rien faire, hein, ce qui fait que t'es pris pareil. Alors, ce qui arrive, c'est qu'à un moment donné, ça devient une souffrance psychologique parce que t'es en train lentement de te rendre compte que t'arrives pas pantoute à... T'es un être en évolution. Ben, un être en évolution qui évolue pas, il souffre. Puis un être en évolution qui évolue trop, il souffre. Hein? Tu fais ça dans ton temps, ça va se faire. Mais à un moment donné, toi, tu commences à souffrir parce que justement, t'es en train de te déformer. T'es en train de devenir un écueil, un récif, un affaire qui flotte dans la vie à travers la société. Puis quand on dit pousse-toi, ben, quand on dit pousse-toi, ben, il se pousse. Hein? Puis s'il y en a deux qui disent pousse-toi, ben, il part à broyer puis il s'écrase entre les deux. C'est ça qui arrive. Alors, ce qui fait que je vais à l'extrême, là. Je veux dire, tu sais, mais il faut quand même se voir. Alors, ce qui arrive, c'est que ces souffrances-là, est-ce que c'est utile pour l'être? Est-ce que ça l'avertit de quelque chose? Ou c'est simple, ou ben non, si ça serait pas plutôt le symptôme qui l'avertit qu'il souffre. Bonhomme, tu souffres. Ça veut dire, fais attention, tu souffres. C'est la seule alerte que la souffrance psychologique va donner à un être humain. La souffrance physique est bien adaptée dans le corps physique. Elle a été transposée dans le corps émotif. Mais est-ce qu'elle est utile? La souffrance physique te dit, il y a quelque chose sur ton pied. Mais regarde où tasse-le. Bon, ça fait que ça protège ton pied. La souffrance physique, réellement, t'alerte, t'avertit de quelque chose, si tu ne l'interprètes pas d'une façon vraiment maladive, là, elle t'avertit de quelque chose pour te faire réagir à la preuve, pour amener ta conscience, ton émotivité ou venant ton intellect, ton mental, à préserver ta forme physique que tu as absolument besoin. Mais ta forme astrale, elle, telle qu'elle est, est-ce qu'elle a besoin, elle, d'être protégée pour rester comme elle est? C'est ça qu'il faut voir. Le corps physique souffre parce qu'il veut rester comme qui est. Parfait. Fait que quelqu'un qui commence à faire du jogging un peu, le corps physique, il souffre, hein, pour l'empêcher d'évoluer, le gars. Fait que si le gars se dit ou la femme se dit, c'est trop dur, hein, m'en aller chez je sais pas trop où, là, qu'il y a des seins dessus, puis te brasse ça comme il faut, là, puis t'as pas besoin de rien faire, puis supposément que tu viens en santé, puis en forme. Bon, tu sais. Bon, ça, c'est ton corps physique qui t'alerte, qui t'avertit simplement qu'il y a douleur, donc une transformation de mémoire. Mais si tu es en pleine forme, il ne souffrira pas. Il va souffrir juste quand tu es en dégradation, en involution. Ton corps astral, ton émotivité, es-tu parfaite? Bien, si imparfaite, c'est parce que c'est normal que tu t'ennuies, c'est normal que tu souffres, c'est normal que tu aies peur, c'est normal que tu sois jaloux, c'est normal que un paquet d'affaires, bref, vous n'avez rien à faire ici, ceux qui pensent que ça, c'est normal. Bon. Sinon, ben, il faut voir que notre corps émotif n'est pas en parfaite santé. Bref, qui n'est pas rendu à la phase de son summum d'évolution, dans le terme évolutif planétaire. S'il n'est pas rendu là, il y a donc, c'est normal qu'il se transforme. Vu qu'il est en évolution, ben merde, si on est en évolution, c'est parce qu'on accepte de se transformer. C'est ça l'évolution. Un gars qui va évoluer et qui veut rester comme qui est, ben, qui pense à d'autres choses. Hein, ou ben non, qui s'achète un petit bloc de métal, de ciment, puis qui se tape la tête dessus. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que mon évolution astrale, n'étant pas parfaite, puis je le conçois, parce que des fois, je m'ennuie. Pourquoi? Ben, je sais pas. Je m'ennuie. Hein? J'ai peur. J'ai des craintes. Je suis là. Mais voilà quoi. En tout cas, on en a plein. Je pense qu'on est bourré de ça. Je t'ai dit une bêtise, tu grimpes, c'est tes grands chevaux, tu sais même plus qu'est-ce que tu dis. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que si notre émotivité, donc notre ego, notre astral, n'est pas en état, n'est pas rendu à son summum d'évolution, c'est donc normal qu'il transforme. C'est donc normal que ses mémoires se brisent. On appelle ça briser des formes dans le terme ésotérique. C'est normal que ça se brise, donc c'est normal qu'il y ait souffrance. Mais cette souffrance-là étant normale, est-ce qu'elle est naturelle? Quand le coureur de marathon décide, bon, à partir de demain, là, je commence à courir, puis dans 2 ans, je vais au marathon en Corée, puis je vais m'organiser pour gagner. Il se lève, bien préparé à ça, puis il commence à courir. Les premiers pas, les chevilles, ils font mal. Mais dans sa tête, il n'y a pas de souffrance. Il y a même jouissance. Le corps est en train de se transformer. Parfait. Continue à courir, puis les muscles, ça va, puis la respiration commence à t'essouffler, puis transpire. Pas de souffrance. Pas en tout. Parfait. La machine commence à marcher, puis elle marche encore bien. Continue. Puis jour sur jour, puis de plus en plus loin, plus en plus haut, puis plus en plein avant. C'est ça, d'ailleurs, qui est le dicton des Olympiques, ce qui est écrit sur leur emblème. Alors, ce qui arrive, c'est que notre bonhomme, sachant qu'il veut faire évoluer son corps, donc le transformer pour en faire une machine de course, une machine olympique pour gagner, ben, il n'y a plus souffrance. Par contre, buvons. Par contre, toi, qui es assis sagement dans ton auto, un petit peu bedonnant, faisant pas trop de sport, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui arrive, il ouvre la porte, il te pogne par le collet, il garoche à taille, il embarque dans ton char, puis il part. Toi, tu te lèves, tu pars après. Mais au bout de 50 pieds, tu souffres en tabarnouche. Pourquoi? Parce que toi, il n'est pas question du cours. Il aurait pu piquer le char de n'importe qui, mais pas le tien. Ça, c'est évident, partant, tu sais, bon. Là, tu cours. Ou encore, on vient de t'avertir que ta femme, ben non, ton enfant ou ton mari, vient d'avoir un accident à deux rues de chez vous. Tu pars en courant, mais quand t'arrives là, ah, il y avait rien. C'est parfait, il n'y a rien. Parce que s'il y a de quoi, ta douleur psychologique va être plus forte que ta douleur physique, donc tu ne sentiras pas ta douleur physique. Alors, il n'y a rien. Ton mari est là, rien, c'est une farce qu'il t'a faite. Là, tu l'engueules, tu t'en vas chez vous, puis là, tu commences à sentir ton corps, là, il souffre, lui. Parce que c'était pas prévu que tu courais comme ça. Quelqu'un qui te part après dans le bois, puis qui veut te sauter dessus, là, tu cours-tu? Mais c'est pas là que le corps, il te mal, t'as des souffrances. Du coup, le gars, il est plus là, tu te ramasses dans un bosquet, puis t'es là, puis... Même pas capable de respirer silencieusement, t'as peur qu'il te trouve. Tu sais? Puis à un moment donné, là, du coup, il n'y a plus rien. Là, tu t'en vas chez vous, puis là, t'as mal un peu partout, puis tu rentres chez vous, puis là, tu te rends compte que t'as mal. Parce que tu n'étais pas prête à ça. Ton ego, ton astral, ton émotivité, elle, est-ce qu'elle veut changer? Il y a une petite parcelle de ton astral qui vibre dans l'astral spirituel, qui veut évoluer parce que tu es programmé à évoluer, parce que c'était beau d'évoluer, fallait évoluer, fallait courir. Mais tout le reste, lui, veut-tu évoluer? Ben non, il veut que l'autre tripe dans l'évolution, mais tant que tu sais, il veut dire, faisant de l'exercice si tu veux, tu sais, écoute le hockey, écoute le baseball. C'est correct. Ça, c'est permis, ça. T'sais, le physique l'accepte, ça. Pas de problème. Mais quand faut que tu commences à pratiquer avec un bâton puis tout ça, tu sais, bon, faut que tu te programmes. Mais qui programme quoi? L'émotivité, souvent. Mais l'émotivité, ça veut pas se transformer. Elle se programmera pas pour se transformer. Donc, toutes les fois qu'il y a quelque chose qui l'oblige à transformer sa mémoire, bien, automatiquement, il y a souffrance. C'est évident. Alors, ce qui arrive, c'est ça. C'est que moi, je veux évoluer. Je suis avec une femme ou avec un bonhomme, puis ça marche pas. On vit mal, c'est pas possible, on s'engueule à tout bout de champ. Mais quand je rentre, il est là pour m'engueuler, ça va. Quand elle rentre, je suis là, je saute dessus, ça va. On a notre télévision qu'on tourne le poste souvent parce qu'on écoute pas les mêmes émissions, puis on chiale. Puis on mange pas les mêmes repas, tu sais. Il y en a un qui arrive avec le McDonald's, puis l'autre avec le Harvey's, puis bon. Là, c'est pas pire. Mais à un moment donné, là, tu sais, il te brime tout le temps, puis elle te brime tout le temps, puis ça marche pas. Les deux, ça fit pas. Mais la mémoire psychologique, là, elle accepte ça, parce que ça a été bâti lentement, ça. Mémoire psychologique, ça se transforme lentement. Lentement, il n'y a pas de problème. Tu viens de prendre du pot, tu ne devrais pas. C'est correct, ça, il prend, ça. Prends encore du pot après, mais ça, il prend. Puis lentement, au bout de 2-3 000 ans, tu sais, il finit par arrêter d'en prendre. Ça, la mémoire psychologique l'accepte. L'ego le prend bien, ça. Il n'y a pas l'impression que tu ne moralises trop, tu sais. Bon. Mais quand tu arrives, puis que tu y vas radicalement, parce qu'à un moment donné, tu sais, tu veux-tu évoluer? Oui, parfait, moi, te faire évoluer. Ah, lui, il ne veut plus évoluer. C'est trop vite. Toi, tu veux évoluer, puis en même temps, il y a de quoi à l'intérieur de toi qui t'empêche d'évoluer. Donc, il y a conflit, donc il y a peur. Mais la parcelle qui veut évoluer, elle, dans sa mémoire, elle a une forme qui l'oblige à se transformer. Puis dans la parcelle, le gros ego qui ne veut pas évoluer parce qu'il connaît pas ça, il n'y a rien à faire, lui va être moi-même. J'ai toujours été le même, il faudrait que tu me prennes comme que je suis. Moi, je me lève le matin, puis je rote dans mon lit. Si t'aimes pas ça, ben moi, pourquoi je me changerais? Tu me prends comme je suis, puis c'est tout, tu sais, bon. Fait que la personne qui est bien colérique, ben, faut que tu l'acceptes de même. Toute la grosse partie de l'ego, là, même si le gars veut évoluer, là, tu sais, qui attend que les autres évoluent avant d'évoluer, lui, pour être sûr qu'il ne sera pas fourré, tu sais. La grosse partie de l'ego en dessous, ben, elle veut pas se transformer. Mais là, regarde ce qui arrive. La parcelle d'en haut qui doit se transformer, la parcelle de l'émotivité spirituelle, donc, qui vibre plus haut, veut se transformer, puis c'est bloqué par en bas. Donc, il peut pas se transformer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être ce qu'il est. Donc, il brille de mémoire, on l'oblige à ne pas faire ce qu'il doit être. Il souffre en haut. On souffre, hein, des fois, de se rendre compte qu'on n'a pas évolué à la vitesse qu'on voudrait, qu'on a dit des choses qu'on voulait pas dire. C'est souffrant, des fois, avec. Puis toute la parcelle d'en bas qui, elle, veut pas changer, Puis l'autre en haut qui a force à changer, bien, elle souffre, elle avec. Fait que toi, tu souffres de deux manières. Puis il y a une friction entre les deux qui crée la peur aussi. Bon. Fait que c'est évident que l'homme souffre à l'intérieur de lui. Mais ces souffrances-là, faut réellement qu'on se rende compte à un moment donné. Hein, qu'est-ce qui souffre? Ben, c'est ça. C'est simplement que moi, j'ai une mémoire, j'ai un ego, j'ai un âme, je suis moi-même, ma personnalité, mon identification psychologique. Puis cette identification-là, qui veut évoluer, refuse le changement. Ou le changement, un petit peu par petit peu, ça va. Parfait. Donc, automatiquement, ben moi, je souffre continuellement. Pourquoi? Parce que, ne comprenant pas que la souffrance, c'est une transformation au niveau de tes mémoires, ben ma femme, qui m'engueule tout le temps, qui s'organise pour me faire un café à l'eau de vaisselle, ou ben enfin même, là, hein, qui change de poste quand je suis allé aux toilettes, ou qui, quand je me cherche une bière, elle s'est toute cachée, vous avez mis tout au chaud, bon. Ben cette femme-là, à un moment donné, moi, est-ce que je vais penser de la quitter? Hey, ça va être dur au foie qu'elle me tape ses nerfs en longtemps en mots. T'as dit avant que je pense au divorce ou même si on n'est pas marié, juste à m'en aller. Pourquoi? Parce que même si ça me fait souffrir, ma mémoire égoïque a fini par accepter la souffrance, donc c'est normal que je souffre, donc c'est correct. Mais m'en aller vivre bien ailleurs, bref, briser ma mémoire que j'ai chez moi, tu sais, etc. Ben c'est ça, c'est une transformation pour le mieux, mais c'est une bride de mémoire. Si je m'en vais, qu'est-ce que je fais dans mon trou chez nous tout seul quand t'es plus là pour m'engueuler, je souffre. Oh, je peux rire comme un fou puis dire que ça va bien, ça va bien, oui. Ça va bien tant qu'il y a du monde pour que je le dise. Quand il n'y a plus personne, je souffre. Parce que ma mémoire vient d'être brisée. Donc, je préfère encore rester dans la merde que de risquer de briser une mémoire. Même si en la brisant, j'évolue. Mais tout ce qui se passe dans notre vie, c'est des choses de même. Parce que l'homme, à un moment donné, doit finir par pouvoir l'homme psychologique, notre émotivité, nos désirs, toutes nos mémoires au complet, bref, notre ego à l'extérieur du mental, hein, c'est autre chose. Ben lui, à un moment donné, il doit finir par apprendre à évoluer, donc par admettre qu'il doit se transformer. Je veux être mieux, bref, si je veux être mieux, je veux pas être ce que je suis. Si je veux pas être ce que je suis, il faut que je me transforme. Si je me transforme, ben faut que je souffre. Sauf que si je deviens un athlète de l'évolution, c'est naturel pour l'athlète de faire de l'exercice puis de faire des haltères, puis de temps en temps, il s'écrase un doigt entre un halter. Ben ça fait mal. Mais il prend l'autre poids puis il continue, il n'y a pas de souffrance. Puis l'autre qui est là puis qui la regarde, puis l'autre qui met l'halter sur le doigt, il souffre en maudit, lui. Lui, il a de la souffrance. Même petit doigt écrasé. Il y en a un qui souffre pas, il y en a un qui souffre. Fait que c'est normal qu'on souffre. Pourquoi? Parce qu'on doit transformer notre ego. Mais si moi, je deviens un marathonnier de l'évolution, c'est-à-dire que si moi, je comprends ça, puis j'admets, la vie va m'amener des leçons. Ben merde, je vais m'organiser pour pas les transformer en karma relatif, hein, un karma que je m'oblige à supporter, mais en leçon. Mais pas en leçon d'une façon spirituelle, là. Si t'as rien à apprendre, merde, y a rien à apprendre. C'est pas nécessaire que tu souffres pareil, tu sais. Mais quand il y a de quoi apprendre, apprends-le. Bon, alors à un moment donné, la personne à qui je pensais rester, me sac son camp s'en va. Mais souffre pas, observe, regarde, il y a de quoi apprendre, observe ce qui se passe en dedans. Faut-tu que t'apprennes à vivre seul? Est-ce que l'homme doit assumer sa solitude avant de rencontrer l'âme sœur? Un homme qui a besoin d'une femme, une femme qui a besoin d'un homme, sont pas prêts à rencontrer l'âme sœur. C'est évident. Parce qu'ils sont pognés l'un contre l'autre. Je l'ai déjà dit, t'attaches deux oiseaux l'un à l'autre, mais même s'ils ont quatre ailes, ils pourront pas voler. Alors, faut que t'ailles une personne indépendante. Une personne indépendante, deux sexes différents, ça fait des enfants plus forts. Puis à un moment donné, ben, ils se rencontrent. Ben, c'est parfait. Là, c'était le temps. Mais sans ça, elle s'en va. Souffres-tu? Si tu souffres, c'est ça. T'es pas prête. Pas prête à quoi? Oui, ben, tu sais, tu veux arrêter de souffrir. Ben oui, ben, c'est ça. Si tu recherches des bonnes choses, tu vas souffrir. À un moment donné, ils vont s'en aller parce que t'es pas prête. Alors, si tu deviens marathonien de l'évolution, la souffrance, tu la transmutes en quoi? En exercice d'évolution parfaite pour ton corps astral, pour ton émotivité. Puis tu souffres plus. Mais l'individu qui s'assoit puis qui dit mot, dit que c'est souffrance, souffrir. Autrefois, les couples se formaient dans bien des cas parce qu'ils se complétaient dans ce sens que la femme allait chercher chez l'homme ce qu'elle lui manquait et l'homme allait chercher chez la femme ce qui lui manquait. Mais aujourd'hui, c'est pas ça pour que chacun soit autonome et qu'il manque. La femme a moins. Tout dans la société pour devenir autonome, hein? Même si elle crie encore avec ses pancartes, elle est encore à ce niveau-là, là, t'es en compagnie, là, elle, là. Elle veut se libérer, tu sais. Tout le monde sont libérés. Il y en a qui sont présidents, qui sont avocats, il y en a qui sont juges, il y en a qui sont débardeurs, puis elle est là, puis elle veut libérer la femme. T'sais. Il y en a encore de même. Hein? Mais la femme a tout dans la société, justement, pour pouvoir être parfaitement autonome. l'homme aussi. C'est ça qu'il faut qu'il fasse. À ce moment-là, Daniel, automatiquement, si les deux individus sont autonomes, ils peuvent appliquer l'amour ou la loi d'attraction de façon... Ils sont plus proches de la loi d'attraction réelle que la façon... Pas par un besoin, mais parce que c'est intelligent de cheminer ensemble. C'est ça. Maintenant, moi, j'aimerais te donner 3 ou 4 exemples. Essayer de te brosser des petits tableaux de souffrance. Donc, j'ai vu le plus souvent des gens qui se conscientisent depuis les 3 ou 4 dernières années. La première que j'ai vue qui engendre une souffrance, qui n'est pas nécessairement une souffrance comme telle lors que l'acte est posé, mais qui par la suite devient une grande souffrance, ce sont des gens qui, haussant leur taux vibratoire, arrivent à un point où ils décident de faire le mouvement, soit laisser la bonne femme ou les enfants, ou soit laisser leur job. Et puis, il y en a que ça prend 2 et 3 ans avant de se replacer de ça. Et ces gens-là, j'en connais qui, dernièrement, ont commencé à se replacer, qui ont retrouvé une autre femme ou bien qui ont retrouvé un autre emploi. Mais pendant ce temps-là, ça a été une souffrance absolument écœurante pour les quelques personnes dont j'ai connu. Et je sais que dans la conscientisation présentement, il y en a énormément. Ouais. Alors, pourrais-tu nous parler un peu de ceci? Bon. Après ça, j'ai 2 autres exemples à te donner ou 3 autres. Si on va avoir le temps. Ouais. Bon, premièrement, c'est une chose qui est sûre, c'est qu'un individu, OK, qui lâche tout d'un coup. La majorité des individus que tu parles, c'est des individus qui, après avoir reçu une dose d'énergie un peu plus forte, sont rentrés chez eux. Là, il pensait être conscientisé. Ou il avait vu plus clair. Il était dans un état vibratoire qui n'était pas le leur, qui était celui du conférencier ou celui encore de celui qui organisait un séminaire, par exemple, chose de même. Bref, c'était pas lui qui rayonnait. Lui ne faisait que refléter l'énergie, non, la vibration. Absorber le rayonnement. Ouais, alors, il arrive, il ramasse une dose massive d'énergie, il rentre chez lui flottant là-dedans. Il voit plus clair qu'il pense, mais il voit clair aussi. Mais c'est pas lui qui voit, mais il pense voir. Puis là, il décide là, que ça serait bien correct que si on finisse ça là. Il a raison, mais il a tort. Parce que c'est pas lui qui le tient là. C'est un autre. Là, flash, il s'en va. Puis là, ça fait du paf. Bon. Là où c'est que je suis, là? Il se rappelle, c'est enregistré dans l'astral, que sa décision est intelligente et logique. Mais là, il est plus capable de voir la logique et l'intelligence de la décision. Il se rappelle juste qu'elle l'était. Mais il ne sait plus pourquoi qu'elle l'était. Fait qu'automatiquement, cet individu-là se ramasse face à face avec lui-même. Ah, oh, ça, c'était peurant, tabarnouche. Bon. Et puis là, il passe par un cheminement plus rapide, mais qui en a amené au cercueil. Hein? Donc, c'est plus rapide, il faut s'entendre. Ça peut être plus rapide, peut-être plus lent aussi. Et puis cet individu-là, ben c'est ça, il passe un laps de temps où est-ce que son émotivité est en transformation, qu'ils veulent pas, mais comme il comprend pas ce qui se passe, parce que c'est plus lui qui, je veux dire, il est plus au niveau qu'il était, il souffre. C'est une transformation. Mais là, c'est pas un marathonien, là. Il a pas le choix, là. Tu sais, c'est un gars qui faisait du marathon, il passe, il ramasse ses spectateurs, puis il traîne avec lui. Mais c'est ça qui s'est passé. Fait que le gars, lui, ben, il voit bien qu'il avance à la piste de course, il souffre en maudit, mais lui, il est pas marathonien, tu sais. Il a hâte de gagner. C'est tout, t'as la médaille. Bon. Bref, il a hâte de s'en sortir. Mais, c'est pas lui qui l'a décidé. Ça, c'est l'astral qui l'amène à penser comme ça. Alors, c'est ça. Alors, ça, c'est le gros... Laisse-moi tout sentir. Bon. Alors, ça, c'est le gros danger du phénomène. C'est pour ça qu'on le répète souvent, toi et deux, justement, que quand ça arrive dans ce genre-là, ben, tu lâches pas ta job, tu lâches pas ta femme. Comme tu disais des fois, tu peux même boire 2-3 bières pour baisser ton taux vibratoire, là, tu vas voir comme que t'es. C'est normal que la souffrance soit souffrante, mais ce qui va arriver, c'est que quand l'individu monte en taux d'énergie... Ben, il voit clair. Mais ben, s'il voit clair, c'est le temps, là, qu'il attend avant de prendre une décision. Mais quand il voit pas clair, à un moment donné, ce serait peut-être le temps qu'il prenne sa décision. Quand ça fait 5 ans qu'il voit pas clair, il faudra qu'il sortir un peu. C'est pas nécessaire qu'il lâche tout ça, là, mais qu'il prenne des vacances, hein, qu'il s'en aille ailleurs un peu. Là, il peut voir de loin, ça se replace l'émotivité. Mais quand t'étais pas sûr, tu comprenais pas trop, tu vas voir un psychologue, tu vas voir un médecin, tu vas voir un conférencier, tu vas dans un séminaire ou dans un cours où c'est pas mal d'énergie. Paf, tu te montes là, tu sais, là, tu rentres chez vous, puis là, c'est évident, le chien, il faut le couper la queue, puis le chat, il faut l'envoyer dans la cage à oiseaux, puis tout ça, tu sais, tout est clair. Bon. Mais une fois que c'est fait, ça, ben là, tu te regardes tout ça, puis là, tu comprends plus. C'était bien intelligent, mais tu sais plus pourquoi c'était intelligent. T'sais? À ce moment-là, il serait très important. De rien faire. De s'observer. Mmh. Oui. Bien, bien important. c'est absolument capital. C'est pour ça que là, c'est le temps de rien faire. T'es bien brillant, tu vois tout, tu comprends tout, mais tu comprends rien. Ton taux vibratoire est augmenté, c'est normal que t'aies accès à des connaissances plus hautes. C'est normal que ton cerveau travaille plus rapidement, donc tu vois drôlement mieux l'écologie, hein, les conséquences de tes actes. Je fais ça, ça, ça, ça, ça va m'amener ça, ça, ça, ça, puis ils vont pouvoir faire ça, ça, ça. Parfait, t'as raison. Puis tu... La ballonne se dégonfle au bout d'un certain temps. Puis là, là, ben là, tu comprends plus pantoute. Là, il n'y a rien à faire. T'es fait. C'est pas pour retourner chez vous, hein. L'orgueil aide un peu. Plus, t'es sûr que t'avais raison, tu sais plus pourquoi. Ou encore, être déjà marié, fait que... Tu sais, ou il est déjà marié. En bref, il y a un paquet de phénomènes. Ce qui fait que quand tu es bien sûr, tout d'un coup, paf, un flash d'une illumination, check-toi en maudit, prends ton temps. Attends encore quelques mois. Puis si dans quelques mois, tu es encore dans cette illumination-là, ben là, OK, tu peux prendre ta décision. Quelques mois, disons 6 mois minimum, là, va dire que t'as le temps de voir si c'est bien toi ou un autre qui pense à ta place. Parce que l'astral supramental, hein, des énergies bien plus hautes que l'astral spirituel, mais ça, quand ça vient de pogner, ça chorie en tabarouette, hein, au même titre que l'astral ordinaire. Faut faire attention à ta barouette. Quand c'est pas toi qui le rayonne, que tu ne fais que le refléter, c'est bon. Ça t'aide à évoluer, c'est parfait, c'est dans l'ordre normal des choses. Mais, prends-toi pas pour un autre, prends-toi pas au sérieux, parce que, à un moment donné, t'as souffrir. Ces souffrances-là viennent juste de ça. Mais que la source soit d'astral ou d'astral supramental, la clé est la même, l'observation. Tu t'observes, puis il faut que tu... À un moment donné, là, il faut que l'homme et la femme prennent une décision catégorique. Tu peux pas la prendre de même. Là, je dis ça comme ça, mais même là, la moitié de ceux qui vont apprendre vont l'apprendre d'une façon erronée. Même s'ils répètent textuellement ce que je dis, s'ils ne vivent pas, ils ne disent rien. Bon. À un moment donné, ben c'est ça. Moi, je décide que je veux comprendre. Je vais prendre mon temps pour comprendre ce que j'arrive pas à comprendre. C'est pas plus grave que ça, mais je vais comprendre. À un moment donné. Bon. Je vais tout faire pour en arriver là. Bon. Je ne prendrai pas tout mon argent et le donner à des organisations qui vont m'enseigner la connaissance. Mais je vais m'organiser quand même pour en avoir assez et pour en dépenser assez pour y aller. Hein? Je ne payerai pas 40$ nécessairement pour aller voir Michael Jackson le voir sauter. Je vais peut-être payer 40$ ou 200$ ou 5000$ s'il le faut, si je l'ai, pour un séminaire que je pense que ça va m'apprendre de quoi. C'est bien mieux là. Mais il faut que tu nourrisses tes enfants en attendant. Hein? Faut que tu nourrisses ta femme aussi si elle ne travaille pas et vice-versa, la femme, etc. Tu sais? Faut que tu restes quand même dans l'ordre logique des choses, parce que t'as peut-être énormément à apprendre avec ceux que tu vives. C'est pas en balançant tous ceux-là. Eux autres, ils me nuisent parce qu'ils me mettent en colère. Ouais, parfait. T'as ce qu'il faut pour apprendre, c'est quoi colère? Fait que si tu balayes tout ça, tu mets dehors tous les mensonges, tu mets dehors la vérité avec. C'est pas parce que tu as ramassé un morceau de casse-tête de vérité que tu possèdes la vérité. Tout est, tu sais, bon. Alors, ce qu'il fait, c'est que... C'est important dans un cas comme ça, je pense, Daniel, de ne pas partir s'il y a toujours lieu de partir avant de ne plus avoir de colère. Exactement. Bon, ça, c'est bien important, parce que la vie est là pour t'enseigner des choses. Toi, tu veux apprendre à faire de la télépathie, la vie veut te montrer comment faire pour plus souffrir. Bon. Fait que toi, tu souffres comme un bon parce que tu ne réussis pas de télépathe. Bon. Quand la vie change d'idée, elle dit, bon, OK, on va te montrer comment être télépathe. Toi, tu veux apprendre d'autres choses. Ça change, là. Alors, c'est ça qui arrive tout le temps, c'est ça. C'est que quand tu as quelque chose, un événement, il n'est pas là pour t'enseigner de quoi, l'événement. Mais toi, sois donc intelligent et apprends donc de quoi tant qu'être dans l'événement. T'sais, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Il n'y a pas d'événement qui va t'enseigner quelque chose. C'est pas, mais il y a une brique qui te tombe sur la tête. Ah, ça, il y a quelque chose à apprendre là. Oui, check donc dans les airs quand tu passes à côté d'une construction. C'est ça que tu as à apprendre là. T'sais. Faut pas virer fou non plus. Mais si tu t'observes justement, pourquoi que toi, tu n'as pas vu la brique? Pourquoi tu n'as pas été assez intelligent pour pas savoir une brique sur la tête? Parfait. Tu as posé la question, maintenant oublie tout. Mais observe les occasions de même. Tu souffres pas le temps que tu fais ça, il n'a pas de souffrance. L'homme, il est pas bâti pour souffrir. Hein? Je dirais pas pourquoi il est bâti pour rien, il a de quoi faire, il le fait, puis c'est tout. Parfait. On n'en parlera pas trop. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il n'est pas fait pour souffrir. Sauf que l'homme apprend énormément en souffrant pour différentes raisons de sa démarche. Hein? Puis à un moment donné, ben l'homme ou la femme devait arrêter de souffrir. Fait que quand on prend la décision qu'on devient des marathoniens de l'évolution, ça veut pas dire qu'on se garoche dans une librairie, qu'on s'ouvre toutes des librairies ésotériques pour lire. Non, sauf que ce qui va arriver, c'est qu'on va commencer à voir un peu plus les phénomènes qui se passent à nous autres comme étant des phénomènes pour nous perfectionner. Tu souffres parce que t'as une lacune. Bon, ben, ça veut dire quoi? C'est ça, change, t'as une lacune. Bref, essaie de voir ce qui se passe. La souffrance faisait rien que t'avertir de ça. L'homme va arrêter de souffrir quand l'homme souffrira plus. Ce que tu dis, je pense que beaucoup de gens qui sont portés à être d'accord avec toi quand tu dis que l'homme ne devrait pas souffrir. Mais par expérience, à venir jusqu'à date, le passé, c'est le passé, mais par expérience, les gens qui ont cheminé dans l'évolution en partant par le Nazaréen ont tous connu des grandes souffrances. Oui, parce qu'ils n'étaient pas évolués comme on l'est nous autres. Non. Mais un jour, il va falloir que ça devienne facile. Bien, c'est évident. Mais à date, l'expérience... Tous ceux qui ont souffert pour nous autres, là, pour transmettre dans un code génétique un corps plus fort, plus mieux, puis qui ont transmis des connaissances d'apprentissage qui font partie de la mémoire planétaire puis de la mémoire individuelle des individus, bien, tous ceux-là, ils ont souffert juste pour nous montrer qu'il fallait qu'on souffre encore. T'sais, c'est à un moment donné, tabarouette, c'est normal que l'homme ait un corps meilleur, que l'homme ait un cortex cérébral plus en forme, que l'homme ait des connaissances à l'âge de 14 ans qu'un individu de 300 ans prenait 75 ans à obtenir s'il vivait jusque-là. C'est normal. L'homme bâtit la base de sa vie sous le sommet de la vie des autres, puis c'est normal. Bon, mais si l'homme, il passe son temps à répéter les affaires qui sont passées dans l'ancien temps, moi, je passe mon temps à dire « aimez-vous les uns les autres ». J'ai pas encore compris que l'homme n'était pas prêt à comprendre ça. Ben, j'ai beau le répéter, il fait 2000 ans qu'on le répète, on l'enseigne de force à ceux qui ne le comprennent pas. Bon, alors ce qui fait qu'à un moment donné, ceux qui ont souffert, qui ont passé par là, c'était normal, parce que le corps physique que l'humanité à l'époque pouvait leur donner pour venir sur la Terre, ben c'était un corps physique qui avait beau être le plus évolué de l'époque, ben il valait pas les corps physiques qu'on a là. Il a fallu qu'eux autres les transforment, donc souffrent, pour arriver à pouvoir les transformer sans souffrance, donc à implanter dans la mémoire génétique, mémoire vitale, mémoire mentale, mémoire astrale, implanter le phénomène de mutation, une chose normale. Donc, il n'y a plus de souffrance, il y a souffrance quand tu n'évolues plus. À ce moment-là, ce qui te porte à évoluer sans souffrir. OK, j'arrive à mon deuxième exemple de souffrance qui se produit lorsque un individu est rendu à la phase de communiquer avec son ajusteur de pensée. À plusieurs reprises, j'ai discuté avec des gens qui avaient, ça faisait un bout de temps qu'ils cheminaient, et puis lorsque l'ajusteur de pensée dit de ne pas faire cela, et qu'ils le font pareil. Mm-hmm. Il ressemble que c'est pas ça. Ouais. Par exemple, je vais donner un exemple concret. Disons qu'une personne, par exemple, est en groupe, et puis il y a quelque chose à dire, et puis ne sachant pas d'où provient la source de ce quelque chose à dire, il vient pour dire quelque chose, le gestionnaire de pensée dit non. Dans sa tête, ça dit non, dis-le pas. Mm-hmm. Pourquoi? Ben, c'est pas le temps. Pas faire à le dire. Puis le gars, il pense que lui, il est correct en le disant. Parce qu'il aurait raison en le disant. Même s'il aurait raison, qu'il ait raison ou tort, ça n'a aucune espèce d'importance lorsque tu es rendu au niveau où tu pratiques cette communication-là. Puis là, à un moment donné, tu oublies tout ça, puis là, il te laisse aller, puis il te dit pas le nom, là, puis là, tu pars, puis tu pars. Là, lorsque tu as fini de parler, puis tu sors de la pièce où tu t'en vas, là, tu as un down et... Je pense que c'est une très, très grande souffrance qui est, on sait aujourd'hui, pour anéantir, mais pour mater l'ego de façon à ce que l'esprit qui est dans l'ego, l'énergie qui est dans l'ego puisse transpirer et prendre... Je vais te donner la réponse dans la question. Là. Continue, là, bon. Puis j'aurai plus besoin de répondre. Bon, alors je prendrai la moitié de ta paye de conférencier ce soir. Puis... Mais pourrais-tu élaborer, là, j'essaie de donner un exemple, Daniel, là, parce que c'est une souffrance, qui est complètement, pour l'individu, à ce moment-là, il ne sait pas qui souffre, il ne sait pas que c'est son ego, mais il connaît des downs absolument terribles, dans certains cas, ils ne sont pas capables de bouger, ils ne sont pas capables de pleurer, ils ne sont pas capables de rentrer dans un bar, ils ne sont pas capables de conduire leur voiture, ils ne sont pas capables de rien de ça, ils n'ont jamais connu ça. C'est une souffrance dont l'humain qui n'a pas évolué, qui n'est pas rendu à ce point-là. C'est une souffrance égoïque, c'est une souffrance de l'astral. Oui. C'est l'ego qui souffre. C'est ça. Bon. Jusqu'au temps qu'ils comprennent ce qui s'est produit habituellement. Bon, parfait. Mais il n'y a rien là. Quand tu es rendu à pouvoir faire quelque chose puis que ton pseudo-ajusteur de pensée vient te parler, si tu as un mental en masse développé pour qu'il puisse discerner, lui, la forme d'énergie qui vient de l'astral, la forme d'énergie qui vient d'une énergie supramentale, ben, il n'y a plus de problème. Ton mental, là, c'est toi. OK? Pour l'instant. À un moment donné, tu vas devenir d'autres choses que le mental. Présentement, on est plus astral que mental, mais à un moment donné, tu vas devenir mental. Bon, tu as des émotions pareilles, sauf que les émotions ne perturberont pas ton schéma mental. Ce qui va arriver simplement, c'est que si moi, je te dis « fais-le pas », toi, tu es un homme, tu te mets à réfléchir, puis tu dis, bon, non, je pense que ça a du sens. Tu m'as donné un conseil, mais ça a du sens. Je le fais pareil. Si tu le fais pour ton orgueil, ben, si c'était une forme d'énergie supérieure à ton orgueil, ben, c'est évident que tu vas faire une gaffe. Bon, elle ne te punit pas, il ne se passe rien. Parce qu'il y a une canalisation d'énergie en toi qui peut être, disons, une transformation style ajusteur de pensée. Puis toi, si tu fais quelque chose d'autre, ben l'énergie descend d'une manière tu croches. Puis ce qui va te donner la sensation de souffrance, d'épuisement, etc. Bon. OK, une canalisation, puis une perte d'énergie inutile. C'est pour ça qu'il fallait pas le faire. C'était pas parce que c'était pas parler. Parce que l'énergie de la parole, c'est quoi? Le mot, il est pas en énergie. Hein? Si tu penses un mot, puis quand tu penses en anglais, ben ça sort en anglais direct, tu penses pas en anglais là. C'est un des phénomènes mémoriels qui ont aucun rapport avec la parole, sont en dedans. C'est un des phénomènes énergétiques que tu transposes sous forme de parole en anglais, en juif, en arabe ou en français. Bon, OK? Tu penses pas, ça parle de même. Bon. T'as une idée, l'idée, tu l'as pas dans ta tête, tu sors le mot, puis c'est ça l'idée. Mais t'es pas dans ta tête. Alors, ce qui va arriver simplement, c'est que, présentement, essaie d'être assez intellectuel pour pas mettre ton émotivité là-dedans. Puis si ton ajusteur vient de glisser un mot, ben pense-y toi-même, ça a-tu de l'allure, ça a-tu pas d'allure? Ça, c'est l'approche du discernement entre l'ajusteur de pensée, l'ajusteur d'émotivité astrale, puis l'ajusteur de pensée, disons, d'ordre du mental supérieur. Mais tant que tu le sais pas, tant que t'es pas toi-même ton ajusteur de pensée, disons, là, t'es pas en communion avec, ben, c'est à ton mental de déterminer ce qu'il y en est puis ce qu'il y en est pas. Puis tu vas faire des gaffes, on s'en fout, ça. C'est pas des grosses souffrances, réellement. Tu t'épuises, tu prends un break, tu dors un peu. Tu le répètes pas une deuxième fois. C'est assez fort pour ne plus jamais le répéter. C'est ça. Mais tu te surveilles. Mais c'est encore mieux que tu souffres par l'ajusteur de pensée que de souffrir par ton émotivité astrale. Parce qu'à un moment donné, tu devrais dire telle chose. Tu le dis, ça marche. Ah, c'est au bout. Tu devrais dire telle affaire. Tu le dis, ça marche. C'est au bout. Tu devrais tuer ta femme. T'as tué, ça marche plus. Plus au bout. Tu sais, faut que tu fasses ça. Tant que l'homme n'est pas rendu à pouvoir discerner si c'est le Dieu du ciel ou le Dieu dans les cieux qui parle, ben l'individu, il est bien mieux de rester un individu un peu plus mental, puis de raisonner lui-même. Mais s'il faut que je le dise, parce que je suis en conférence, puis le monde applaudit tout, puis tu sais, c'est ton ego qui parle. Ben si ton ego veut dire de quoi? Ben, que ce soit un ajusteur astral ou un ajusteur mental qui te parle, fais-le pas. C'est ton ego qui veut le faire pour le fun. T'sais? C'est juste ça, faut que tu regardes. Qui c'est qui va souffrir, c'est l'ego. Ben, c'est qui a détourné le phénomène, c'est l'ego. Si je le fais, moi, il y a des choses, des fois, que je dis pas. On me force à le dire. Puis quand l'individu, l'intervieweur, me force trop à le dire, ben, j'y fais plaisir, je le dis. J'y monte un paquet de menteries. C'est tout. Bon, après ça, on vient me voir, puis on me dit « Ouais, mais t'as dit telle affaire. » Ben oui, c'est ça, j'ai dit ça. Ben, voilà, c'est tout. Je disais ça à lui. Il m'a remarqué que je ne voulais pas le dire. « Non, c'est vrai, tu ne voulais pas le dire. » Ben c'est ça, je ne l'ai pas dit. Mais pourquoi t'as dit ça? Ben parce qu'il ne va rien comprendre. Ben, faut que je le dise. J'ai dit n'importe quoi. C'est ça qu'il apprendra. Bon, sauf qu'à un moment donné, c'est ça, tu sais, c'est pas pour mon ego. Par contre, lui flatte mon ego. Hein? Ah, dis-le donc. Pourquoi? Parce que tu ne le sais pas. Ben non, voyons donc, le monde ici sont capables de comprendre ça. Peut-être, mais toi, tu n'es pas capable. Bon, je suis pas pour y dire. Tu sais, il y a des phénomènes des fois, là. Je te donne des exemples. Bon, mais si je suis égoïque, ben le monde va penser que je le sais pas ou il y a un paquet de bobelles qui va se passer. Puis là, on parle évidemment d'individus qui sont rendus à certains niveaux. Ben c'est ça. C'est les derniers matages de l'ego. Mais si tu es un marathonien d'évolution, tu souffriras pas plus. Tu vas t'écraser dans ta chaise, tu vas regarder ce qui se passe, tu vas étudier ce qui se passe, puis c'est parfait. T'es content parce que t'es en train d'apprendre des choses. Tu sais? T'es content après. Que c'est passé parce que oui, mais si tu comprends l'étape de la souffrance, c'est une transformation mémorielle, tu risques d'être content pendant. On va dire que tu es un masochiste de l'évolution, puis ça va être vrai. Adam Daniel, dans l'évolution, justement, c'est ça. Merci. Le partage égal. À date, dans l'évolution, ce sont les moyens que les autres plans ont utilisés afin que l'homme puisse comprendre. T'expliques à ton enfant de ne pas traverser la rue, il va se faire frapper. Tu traverses la rue pareil, tu lui donnes une fessée. Il souffre. Mais il traverse pas la rue, il reste vivant. Puis à un moment donné, ben là, l'enfant, il faudrait pas qu'il se donne des fessées lui-même quand il va traverser la rue. Hein? Mais c'est ça que l'homme fait. L'homme, il a fallu qu'il apprenne à souffrir. Mais c'est tellement mémorisé dans le code génétique de l'homme que l'homme doit souffrir, que l'enfant à naissance souffre de son physique déjà. Il sait pas pourquoi, mais il souffre. Puis dans l'éducation, puis dans ses mémoires, une réincarnation pluralitaire astrale, émotive, psychologique, ben, automatiquement, l'individu a ancré en lui, dans une mémoire, de style génétique, physique ou astral, la souffrance. Puis l'individu, ben, souffre, puis il sait plus pourquoi, puis on finit par penser que c'est aussi normal de souffrir que de respirer. Non, c'est plus normal de respirer que de souffrir. Puis à un moment donné, ben, l'individu qui comprend, ben, avant, moi, je souffrais juste quand quelqu'un arrivait, puis il me contredisait, puis ça me faisait souffrir. Puis aujourd'hui, ben, j'en souffre plus. Pourquoi? Parce que ton contexte mental a changé. Ton phénomène d'interprétation a changé, puis tu souffres plus. Mais l'événement est le même. Pourquoi qu'avant tu souffrais devant un événement, puis maintenant quand l'événement est le même, tu souffres plus? Parce que c'était pas nécessaire que tu souffres avant. Maintenant que tu as compris, que tu as transformé certaines choses, tu as accepté que ta mémoire se transforme, tu ne souffres plus. Ben c'est ça. C'est normal de souffrir. Normal dans le sens de la normalité. C'est normal, tout le monde souffre. Mais c'est pas naturel. L'homme, présentement, n'est pas équipé pour souffrir, c'est pas vrai. Encore une première question. Une souffrance psychologique peut-elle avoir des effets sur le corps physique? Ben, c'est absolument évident. De toute façon, tous les phénomènes physiques viennent de... Ça tombe de tout partout. Ça a souffert dernièrement, je pense. Oui, ça a souffert dernièrement. Vois-tu, les phénomènes psychologiques, l'énergie vibratoire de l'astral engendre une forme vibratoire qui va nécessairement perturber l'entourage même de l'âme, donc les mémoires volatiles qui sont comprises entre l'enveloppe de l'âme et l'ego qui est centré, là. On a déjà expliqué ça dans une conférence. C'est la semaine dernière, je crois. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que l'énergie même de l'astral qui est transformée par une souffrance, parce que c'est, disons, je ne peux pas expliquer en 15 minutes ou même en une demi-heure tout le phénomène même des transformations énergétiques au niveau de l'astral. Je peux pas, j'ai pas le temps d'expliquer ce que devrait être un astral prêt, disons, à la fusion avec les autres corps, parce que c'est trop long, sans doute même un petit peu incompréhensible. Par contre, une chose qui est sûre, c'est que l'individu a une forme d'astral qui l'enclin à évoluer de par la vibration planétaire qui est changeante. Et la vibration planétaire est changeante d'une façon, disons, positive, c'est-à-dire qu'elle change pour le mieux. Pour le mieux, toujours en relation avec le but qu'elle vise, donc elle se dirige vers ce but-là, disons. Et l'homme, qui est en relation intime avec l'astral, donc la psychologie planétaire, n'a pas le choix, il doit évoluer, même s'il ne veut pas. Il est obligé d'évoluer, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, une souffrance psychologique ou n'importe quelle perturbation au niveau de l'astral, une perturbation, c'est quoi? C'est quand l'énergie astrale est rendue à un niveau. Et cette énergie-là, en gros, est en harmonie avec le plan vital, en gros, de l'individu. Et ça, c'est en harmonie avec le plan physique, en gros, de l'individu. Donc, ta psychologie fit avec ton vital ou ta psychologie fit avec ton physique. Alors, quand on voit une personne, par exemple, qui est timide ou qui est colérique de nature, bien, normalement, ils ont un physique qui va avec leur état psychologique. Ce qui fait que les lignes des mains peuvent dénoter ou démarquer une certaine état psychologique d'un individu. La caractérologie aussi, la forme des sourcils, la forme, etc. Bon, un individu, évidemment, qui se conscientise, ben, n'a plus le corps qui voit que sa psychologie parce que la psychologie a changé. Et la psychologie changeant, donc la souffrance étant une lutte dans la psychologie, hein, une transformation de la mémoire. Alors, automatiquement, s'il y a une transformation dans l'énergie qui est en harmonie relative avec le plan physique, bien, automatiquement, si on transforme cette harmonie-là par la souffrance, par la peur à la longue, par le stress, qui est une peur à la longue, justement, bien, veut pas, l'harmonie physique finit par perturber l'énergie vitale. L'énergie vitale étant l'énergie qui retient les molécules ensemble, c'est-à-dire qui les oblige à prendre une forme et à garder la forme. C'est l'énergie vitale, c'est astral, ça, c'est mémoriel. Bien évidemment, l'énergie vitale qui maintient le corps physique en molécules, parce que le corps physique, c'est astral aussi, c'est mémoriel, mais de d'autres ordres, plus bas. Alors automatiquement, ce qui va arriver, c'est que si on perturbe l'énergie émotive, on perturbe l'énergie vitale qui maintient le corps en forme, donc on perturbe la forme du corps. Donc automatiquement, en perturbant l'énergie vitale, donc la souffrance, une perturbation de l'énergie vitale et astrale, en perturbant cette énergie astrale-là, on perturbe donc le corps physique. Sauf que la vibration astrale peut être perturbée violemment, radicalement, immédiatement, parce que l'homme est presque totalement astral, psychologique, émotif. Hein? Mais cette vibration-là, si elle persiste, donc la souffrance continue, par exemple, une souffrance morale, je te culpabilise continuellement pour la mort de ton fils, de ta femme, du policier du coin, de la voisine, du dépanneur, bon n'importe quoi, bien la souffrance, après quelques années, comme le stress, comme n'importe quel genre de symptômes psychologique, bien, à la longue, ça va transformer l'énergie vitale, qui, à la longue, va transformer l'énergie physique. Donc, ça peut amener une maladie ou, évidemment, une mutation dans le bon sens du terme, malgré qu'en médecine et en science, on a décidé que toute mutation dans le règne humain serait une mutation négative, étant donné que l'homme est parfait. Alors, ce qui fait que une souffrance psychologique a des effets évidents sur le corps physique, mais ça prend un certain temps. qu'est-ce que la schizophrénie et autres maladies mentales? Comment rejoindre ces personnes qui souffrent de cette maladie? Merci, Daniel. Bon. Alors, Daniel, je vais répondre bêtement et brièvement. Pas bêtement pour toi, mais pour ton ego peut-être. Premièrement, c'est que... disons que si Daniel est psychiatre ou si Daniel est psychologue ou si Daniel est dans un cadre social où elle est obligée, hein, de par son métier, de par son cadre social, d'avoir à traiter des schizophrènes ou des malades mentales, mais en réalité, ils ne sont pas malades mentales dans le sens ésotérique du terme, ils sont malades astrales ou physiques aussi, parce qu'il y a des perturbations physiques qui empêchent l'astral et le mental de rejoindre le corps physique. Ben, on n'a rien à foutre avec ces personnes-là si ça ne nous concerne pas. Bon. Alors, on devrait plutôt prendre nos énergies, essayer de comprendre pourquoi que nous, on a peur des chiens. C'est une paranoïa, ça. Canine, mais limitée. Mais quand même. Hein? Pourquoi que nous, on a des problèmes dans le genre? Je pense que c'est beaucoup plus important que d'essayer de comprendre pourquoi qu'un schizophrène est schizophrène ou un paranoïaque paranoïe. À moins que tu aies un proche qui à moins connaît... que ton cadre social te place dedans. C'est ça. Mais présentement, disons qu'il n'y a pas grands individus sur la Terre qui sont capables de comprendre réellement ce qui se passe à l'intérieur de l'astralité d'un schizophrène, d'un névrosé, d'un psychosé ou de tous les genres de symptômes, de symptomologie qui vont ressembler à ça. Alors bref, vu qu'il n'y a pas de grands spécialistes pour comprendre ça, ben je pense que même si toi tu vis avec une personne qui souffre ça, ben tu devrais te servir, disons, du phénomène de l'événement pour apprendre pourquoi ça te touche, toi. Pourquoi que l'extérieur vient manipuler ton astral personnel, donc pourquoi toi tu es manipulé par ces phénomènes-là. Hein? Parce que c'est sûr que si tu n'es pas médecin, tu vois quelqu'un qui se coupe le bras puis qu'il y a un médecin pour s'en occuper, ben hop, c'est le temps d'observer pourquoi que ça te touche. Pas de te courir, tasser le médecin pour s'en occuper. Si tu es médecin, ben tu as choisi ça pour différents motifs, ou encore on a choisi ça pour différents motifs à ta place, ben là, OK, là, disons que on va se rencontrer d'une pièce, mais on va t'en parler longtemps, tu sais. Mais pour l'instant, c'est ça qu'il y a, c'est qu'on veut trop souvent connaître pourquoi chez autrui au lieu de savoir pourquoi chez nous. Parce que ben l'astral de notre propre ego ne voulant pas changer pour éviter la souffrance du changement, il change pareil puis il souffre quand même, il ne sait plus pourquoi. Mais ben, on essaie de savoir pourquoi que ça se passe chez les voisins. Ainsi que de la façon qu'on a été élevé et enseigné différentes. C'est ça. Mais vu qu'on a des médecins dans la salle, on rêve un petit détour médical. Hein? Vois-tu, c'est que premièrement au niveau de tout le schéma, de toute façon j'ai expliqué là qu'ils savaient un peu. C'est que la schizophrénie, la paranoïa, toutes les maladies mentales, qu'on appelle mentales, parce qu'avant on pensait qu'il y avait seulement le mental était faisant partie de l'intellect. Bref, c'était pas intellectuel, donc intelligent, hein, quand tu tires la langue quand il faut pas, puis quand tu te parles tout seul, puis bon, quand même. Ben, automatiquement, on disait que t'étais pas intelligent parce qu'on pensait pas qu'il y avait l'émotivité, hein. Bon. Alors, les maladies mentales sont des maladies de type physique ou de type astral, jamais de type mental, hein. Bon. Pourquoi? Parce qu'un mental qui n'est pas coordonné, c'est important pour le monde. Un mental qui n'est pas... Un mental qui est fou. C'est un mental qui n'existe pas. Un mental ne peut pas être fou. Et un mental qui n'est pas assez fort, bien, il est automatiquement teinté par son astral. Ce qui est le cas de tout le monde. Bon. Et si la teinture est folle, bien, c'est l'astral qui est fou. Un astral fou, c'est quoi? Premièrement, c'est qu'au niveau de tout le schéma mémoriel de où ce que l'homme peut puiser, c'est-à-dire qu'il y a une conscience, hein, au niveau du cortex cérébral, il y a une conscience qui peut être, disons, détruite ou encore pas suffisamment élaborée, donc maladie physique qui va causer une maladie mentale, automatiquement, ben, l'individu n'a pas accès à des mémoires d'une façon coordonnée et la conscience mentale qui va normalement se répandre, c'est-à-dire se localiser dans le domaine du physique au niveau du cortex cérébral par rapport au domaine astral qui va se localiser surtout au niveau du thalamus ou de l'hypothalamus. Bon, automatiquement, ben, si le cortex n'est pas adéquat, le mental peut pas apparaître dedans, donc l'individu ne va vivre que des phénomènes astraux. Phénomènes astraux que... Faut aussi remarquer quels sont le genre de personnalités qui sont réincarnées dans l'individu. Pourquoi qu'il y a problème au niveau des personnalités réincarnatives? Ceux qui comprennent pas, ben, on a déjà fait une conférence à réincarnation, ça explique tout. Alors, les personnalités réincarnatives vont se lutter l'une contre l'autre. S'il n'y a pas un mental suffisamment développé, soit par tare physique, souvent ça va être le cas. Une tare physique, c'est pas un cerveau, une tête d'eau, une hydrocéphale, c'est simplement des neurones qui n'ont pas eu de qui n'ont pas réussi à se brancher à la naissance et par l'éducation de l'individu, parce que l'éducation va souvent aider à créer des paranoïas, à créer des schizophrénies. Bon, il y a le contexte social à un moment donné qui va créer des névrosés ou des psychosés. Bon, ce qui arrive simplement, c'est que l'individu a été programmé sans savoir et sa conscience ne localise que des phénomènes astraux et ne localise surtout qu'un certain genre de phénomène astral. Autrement dit, dans l'astral, il y a des milliards, des billions, des milliards de tiroirs dans lesquels on a placé toutes nos connaissances qu'on a accumulées au cours de nos années, hein, plus les connaissances de nos grands-pères. Et puis, on a des canaux qui, donc, dans notre conscience, des phénomènes neurologiques, qui nous permettent d'aller chercher certains types d'énergie, donc d'aller chercher certains types de connaissances mémorielles pour pouvoir s'en servir. Et ça, plus ton mental est développé, plus tu es capable de te servir de ta mémoire quand c'est le temps dans un événement. Puis moins développé, bien plus ton astral vient te vomir, même de quelques cochonneries, dans ta conscience mentale. Et là, ben tu ne peux pas t'adapter intelligemment, disons, efficacement à un événement. Disons qu'efficacité serait synonyme d'intelligence pour l'instant. Alors, le malade lui-même, c'est qu'à la longue, il finit par bâtir un cheminement qui fait que tu lèves la main, puis lui, ça s'en va cheminer, flac, ça rentre une mémoire, sort quelque chose, puis ouais, il est un monstre. Ou bien non, il voit que tu l'agresses. Bon, alors, ce qui fait qu'à un moment donné, n'importe quel stimuli, au lieu de faire en sorte que le bon tiroir de relation, donc la relation entre l'événement extérieur, entre le stimuli extérieur et le stimuli intérieur se fasse, bien, automatiquement, l'individu branche ça toujours sur le même genre de tiroir. Alors, l'individu se crée un réflexe. Parce que les maladies astrales, qu'on appelle maladies mentales, qui sont de type astral, non, donc qui ne sont pas soumises à des torts physiques, ne sont que des maladies de réflexe. L'homme ou la femme finit par engendrer un réflexe qui l'oblige. Un réflexe, c'est quoi? Si vous placez votre jambe ici, qu'on tape ici, bon, là, je l'exagère un peu, là, voilà. Je vais pas exagérer. Terrible. Ça crée un réflexe physique que notre mental n'a pas à réfléchir, ça marche. Alors, il arrive un moment où ce que le réflexe astral, si je te traite de chien, tu sursautes, mais c'est un réflexe astral. Mais vient un moment donné où ce qu'on canalise, on bâtit un programme nous-mêmes, avec l'aide de l'extérieur, ça va de soi, ou à un moment donné, n'importe quel phénomène extérieur, flash, ça sort tout de suite cette mémoire-là, puis on réagit, on est un malade mental. Faudrait juste bousiller ce réflexe-là. C'est bousillable en tuant certaines neurones dans le cerveau, mais à travers les 11 ou 12 milliards qu'il y a, il faudrait savoir lesquels, qui marchent mal. Bon, ou repluguer ça d'une manière différente, c'est-à-dire refaire un cheminement qui permet à l'individu de devenir mental, donc de se servir. L'énergie le fait à l'insu de l'homme. L'homme est manipulé par Dieu, même s'il est manipulé par le diable aussi. Alors, ce qui arrive, c'est ça. Alors, ces maladies-là, c'est simplement des maladies de réflexe astral, puis ça se guérit par différentes façons. Prochainement, à un moment donné, on va être capable de pouvoir programmer l'individu, c'est-à-dire le déprogrammer puis lui donner les outils pour qu'il se programme lui-même. Donc, lui permettre, lui, d'être programmé par une forme d'énergie qui l'entoure, ce qu'on pourrait appeler la vie, le vital planétaire. Je vais le diriger un peu mieux que lui-même. Ça ne s'applique pas seulement pour ceux qui ont des maladies telles. Présentement, c'est l'humanité qui... Consciente... Tout le monde, disons, par rapport à ce qui pourrait être, tout le monde est malade. N'importe quel médecin va vous le dire. Hein? Bon, on n'est pas tous en santé. Sauf que, justement, présentement, disons que tout le monde aurait à refaire une programmation astrale. Une habitude, c'est quoi? C'est stupide, une habitude. Il n'a pas de bonne habitude. Même si c'est une bonne habitude, ça veut dire que vous le faites sans savoir que vous le faites. C'est pas une bonne habitude, ça. Hein? Il n'a pas de bonne habitude. C'est une programmation qui, par hasard, se trouve présentement à vous servir d'une façon, disons, qui est en concordance avec votre ego ou encore avec votre mental. Mais quand ça ne servira plus, vous allez le faire pareil. Une bonne habitude, c'est pas bien, mais bon. Le gars qui fume puis qui aime fumer, il a une mauvaise bonne habitude. Il n'oublie pas de se l'allumer, il se l'allume. Quand il veut arrêter de fumer, il a une mauvaise mauvaise habitude. Parce qu'il continue à s'allumer même s'il n'en veut pas. Bon, alors ce qu'il fait, c'est une programmation. Disons qu'en ce sens-là, oui, tout le monde, à un moment donné, va devoir refaire une forme de programmation pour lui permettre d'être plus efficace. Mais dans la société, nous autres, présentement, on a une forme de programmation qui est multiple, donc qui nous permet d'être fonctionnel plus ou moins, ou bien non totalement dans certains cas, dans à peu près tous les événements que la vie va nous amener. Puis quand un événement nous tombe d'en face, puis qu'on capote, qu'on panique, bien, c'est parce que la programmation correcte pour pouvoir prendre un événement nouveau n'était pas faite. On va te programmer, tu vas souffrir l'événement parce qu'il y a transformation au niveau de ta programmation. Il y a transformation, donc il y a résistance mémorielle, donc il y a souffrance, tu vas souffrir. Puis à la longue, à force de souffrir à un moment donné, l'événement arrive, tu passes par-dessus. Tu étais programmé. On programme l'armée pour ça avec. Je ne dis pas que c'est aussi génial, mais ça leur permet en tout cas de pouvoir tuer les autres sans trop avoir peur, hein? Si la vie des autres vous intéresse. Est-ce que la neutralité dans l'émotion ressentie face à l'extérieur, soit la société, le détachement peut accélérer ou ralentir le processus de conscientisation chez l'individu. J'ai sauté un mot, là, parce que je ne le comprends pas. Est-ce que la neutralité dans l'émotion ressentie face à l'extérieur, la société, le détachement peut accélérer ou ralentir le processus d'évolution ou de conscientisation chez l'individu? Bon. Premièrement, un processus de neutralité dans une émotion, c'est quelque chose qui n'existe que dans la psychologie astrale. Alors, l'astral, voulant continuer à s'exprimer, va donc essayer d'admettre, de faire admettre par le mental, par la conscience mentale, la neutralité dans l'émotion. Laisse-moi m'exprimer, mais sois neutre. Autrement dit, ferme ta boîte puis laisse-moi faire. Bon. Même si on peut penser que la neutralité, c'est pas tout à fait ça, je déteste, mais je le dirai pas. Ben, à l'intérieur de toi, il y a une détestation, donc tu détestes, ce qui fait qu'il y a une forme d'énergie, d'accord, qui voudrait s'exprimer, que tu empêches de grossir, ce qui n'est pas mauvais, à la condition qu'elle ne grossisse pas par en dedans. Une émotivité, à un moment donné, qui n'est pas nécessaire par l'homme, ne devrait pas être permise par le mental de l'homme. Donc, l'homme doit être son seul maître et non pas avoir deux maîtres en lui. Parce que si l'homme a deux maîtres en lui, ben, il y a une guerre dans l'homme. Parce que les deux maîtres, il y en a un qui se doit d'être maître, le mental, celui qui peut raisonner intelligemment, logiquement, mathématiquement, disons pour l'instant, efficacement. Et il y a l'autre maître, celui qui ne doit pas être maître, mais qui veut être maître. Et le maudit problème du mental, c'est que lui se balance carrément d'être maître. Alors, ce qui arrive, c'est que vu que le mental n'a pas d'ego, n'a pas d'émotivité, notre intellect s'en balance, si tu le veux ton char, t'aimes tant, ça prend le don, tu vas bien voir après, tu ne pourras pas le payer, puis c'est tout. Le mental s'en fout, veut pas être maître, le mental. C'est un problème chez l'homme, parce que l'ego qui n'a pas à être, veut être le maître. Alors, ce qui arrive, bien, la vie t'enseigne à l'ego par la souffrance, entre autres, même si c'est pas nécessaire. La vie enseigne donc à l'ego à faire confiance à son mental pour prendre des décisions. Comme ça, il ne souffrira plus. Il va se faire fourrer, mais il souffrira plus. Bon. Alors, ce qui arrive, c'est que le détachement, c'est quoi? Bien, le détachement, c'est encore une forme philosophique. Détachement, c'est une forme astrale, encore une forme spirituelle, qui dit que je dois me détacher. Alors, disons que si l'individu, je ne vise pas Claude, je donne un exemple, si l'individu n'est pas assez fort, si l'individu est encore dans l'enfance de l'évolution, malgré l'avancement génétique de notre société ici, ben l'individu ne doit pas être soumis à la tentation. Ce qui était évident, v'là 1000 ans, puis v'là 2000 ans, fallait pas se soumettre à la tentation. Bon, parce que tu n'étais pas capable de contrôler l'émotivité astrale qui était pour surgir lors de la tentation, alors tu avais, disons, la sagesse spirituelle ou mentale de ne pas te soumettre à la tentation. Ça, c'est le détachement. Le détachement, c'est ça. Alors, ce qui fait que, est-ce par la neutralité? Non, dans l'émotion, ressentie. Alors, donc, vu que l'émotion est ressentie, il n'y a pas neutralité, il y a farce. Il y a semblant, quoi? Farce, une farce. Farce. Oui, mais en l'observant, Daniel, elle ne devient pas neutre. En l'observant, non, tu n'es pas neutre et tu ne deviens pas neutre face à l'émotion ressentie. Tu observes l'émotion, donc il n'y a plus d'émotion quand tu l'observes, l'émotion. Puis au millième de seconde que tu ne l'observes plus, il y a émotion, tu n'es plus neutre. S'il y a émotivité, il n'y a pas neutralité. Crème, si je ne l'aime pas, je ne suis pas neutre. Si je l'aime, je ne suis pas neutre. Si j'ai peur, je ne suis pas neutre. Si je suis courageux, je ne suis pas neutre. Alors, on pourrait dire, au lieu de neutralité, anéanti à ce moment-là. Non, parce qu'une chose qui n'est pas là ne peut pas être anéantie. Mais l'émotion, lorsque tu connais avec... Oui, tu ne l'anéantis pas, elle n'existe plus. Parce qu'elle n'a jamais existé. Parce que si tu connais avec, tu n'es pas dans tes mémoires. Si tu n'es pas dans tes mémoires, elle n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé, elle n'a pas été anéantie non plus. Elle n'existe pas. Tu ne te bats pas contre ça n'existe pas. Le blague, ils font, mais... Bon... Et le détachement. Le détachement, ça veut dire ne plus mettre de valeur quelque part. C'est des mots importants, là. C'est à l'extérieur un peu du cadre, mais c'est des mots pas importants. Bon. Ou des mots dits importants. Bon, le détachement. Ça veut dire ça, que je ne me soumets plus à la tentation. Je me détache des femmes, ou je me détache des hommes, je me détache des valeurs matérielles. Puis quand je suis dans la rue, bien, j'essaie de trouver logique que je me sois détaché. Là, je ne comprends plus. Mais en tout cas, non, le détachement, c'est une chose avec qui n'est pas correcte. Parce que le détachement fait par l'ego pour essayer de ne plus subir lui-même, parce que le mental ne se détache pas. L'émotivité, c'est utile à l'homme. pas les émotions nécessairement. La sensibilité, puis il y a des différents synonymes, il y a des choses dans le phénomène astral qui sont essentielles à l'homme. Bon. Alors, ce qui fait que c'est pas le détachement. L'observation, c'est bien différent. Est-ce que, donc, la neutralité ou l'émotion, ou le détachement dans l'émotion ressentie par rapport à l'extérieur, je déteste la société. Ouais, ben déteste-la pas trop parce que t'es assis sur une chaise qu'elle a bâtie. Bon. Hein? Tu sais, il y a des choses qu'on n'aime pas de la société parce que dans notre liberté ou dans certains de nos concepts, ben, sac ton camp va vivre dans le bois. Hein? Puis là, tu n'auras pas à être neutre par rapport à un sentiment d'extérieur, par rapport à une société. La société, elle a des torts. OK. Mais, tu sais, veut dire, on a des sentiments face à la société, à l'extérieur. Puis être neutre par rapport à ça, ça veut simplement dire se refouler, c'est ridicule. L'observation, c'est différent du détachement puis de la neutralité. Accélérer ou ralentir le processus d'évolution ou de conscientisation chez l'individu. Merci. Il y a seulement deux moyens d'accélérer un processus de conscientisation. Puis, pour accéder à ces deux moyens-là, il faut que l'individu soit prêt. Bref, l'individu qui n'est pas prêt ne peut pas accélérer le processus de conscientisation. Il peut vouloir l'accélérer, il va souffrir pour. Disons qu'il l'accélère un peu par la souffrance, mais ce n'est pas une accélération consciente. Dans ces processus-là, il y a celui où l'individu s'observe, et l'individu ne fait rien d'autre que s'observer. Donc, c'est la première phase du processus. L'évolution de l'homme se fait d'une manière manipulatrice, c'est-à-dire que l'homme ou la femme n'ont pas le choix, ils évoluent. Qu'ils le veulent, qu'ils ne le veulent pas, ils évoluent. À un moment donné, ils finissent par découvrir qu'ils évoluent. Là, ils appellent ça l'évolution, puis là, ils tripent au coton, ils pensent qu'ils ont tout compris. Bon, ils évoluent. Les autres ne sont pas évolués. À un moment donné, l'individu essaie d'accélérer son évolution, ça ne marche pas. Là, il pense qu'il évolue pas, ou du moins pas aussi vite qu'il voudrait. Justement, il veut évoluer. C'est ça qu'il faut qu'il apprenne. Bon, arrêtez de vouloir. L'individu qui arrive là finit par s'observer. S'observant, c'est tout. Il ne condamne pas ce qu'il observe, il n'accrédite pas ce qu'il observe, parce qu'il observe, sans émotivité. Cet individu-là, automatiquement, accélère son processus de conscientisation sans souffrance. Tant qu'il observe. Souffrant maudit quand il observe plus. Bon. Par après, l'individu qui observe, qui veut évoluer, risque de passer par le même cheminement que l'autre qui voulait évoluer. Il y a un vouloir à un moment donné qui est bon. Le courage, c'est une forme, disons, d'expression de l'astral, l'expression collastrale de la volonté. Puis la volonté, c'est une volonté que je parle qui est un petit peu plus forte que la volonté du mental. Le mental n'a pas de volonté. Le mental fait des choses parce que c'est logique, c'est mathématique, puis ça a de l'allure. L'allure, pas par rapport à l'astral, c'est l'allure parce que c'est logique et mathématique, parce que c'est efficace. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, l'individu, pour accélérer sa phase d'évolution, s'observe. Il y a encore une parcelle d'ego qui découvre que ça va mieux, donc qui veut que ça aille encore plus mieux, ça c'est l'ego, donc qui veut encore pousser l'individu à évoluer plus vite. Gros piège. L'individu va encore apprendre, on appelle ça l'initiation. Et par après, l'individu va être capable, parce que le mental se développe, d'accéder, disons, au troisième niveau d'accélération du processus, toujours parce qu'il est prêt, où l'individu va être capable de s'auto-établir des formes de programmation qui vont engendrer des nouvelles connexions au niveau de ses neurones, donc qui vont lui permettre de pouvoir réfléchir plus rapidement, donc être plus efficace, plus logique, etc., puis avoir un accès à ses mémoires de manière plus évidente. Alors, ce qui fait que c'est les seuls moyens présentement mis à la disposition pour l'homme pour évoluer. Il y a une autre forme de moyen qui n'est pas mis à la disposition de la masse. C'est le moyen pris par certains idiots qu'on appelle initiés. Voilà. Ben ça, t'embarques là-dedans parce que t'es prête. Puis on te verse plein de choses sur la tête. Puis à un moment donné, ben tu passes à travers tout ça. Ben non, tu meurs, mais jusqu'à date, tu meurs pas, tu passes. Mais ça, c'est pas accessible. Alors, ce qui fait que c'est pas dans la neutralité, c'est simplement par les phénomènes que je viens de dénumérer là. C'est ça, l'évolution. Je t'ai entendu dire à l'émission Ésotérisme expérimental... Je dis bien les choses, là. ...que le pape venait ici pour une raison très précise. J'ai dit que j'en parlais pas. Pourrais-tu préciser? Merci. Voilà, j'ai précisé. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on a eu des questions... On a répondu à ça, mais à une conférence ultérieure. C'est ça qui n'a pas été enregistré. Non, c'est ça qui n'a pas été enregistré parce que justement, des choses ne doivent pas être dites. Chose qui est sûre, le pape il vient ici puis c'est pas mauvais en soi. C'est une personne qui connaît bien plus de choses qu'on peut penser qu'elle connaît. Elle n'a pas toutes les brides dans ses mains, c'est une chose évidente. Puis c'est un mec qui est courageux en tabarouette. Parce que si le monde ici savait tout ce que lui sait, il se serait suicidé fait longtemps. Bon. Mais c'est un bonhomme extraordinaire. Puis il y a une raison pourquoi il vient ici. C'est pas une raison religieuse. Il y en a qui pensent ça, évidemment. Il y a même au Vatican qui pense ça. Mais c'est ça. Là-bas, ben, on dit qu'on m'a forcé certaines réponses. Alors, j'ai répondu forcé. J'ai rien dit. À part une prise de conscience intellectuelle et une observation de la physique ou la morale. Oh, excuse, je suis obligé de recommencer, d'après j'avais sauté une ligne. À part une prise de conscience intellectuelle et une observation de la souffrance physique ou morale, existe-t-il des méthodes pratiques pour l'éliminer, Tiens. Bon, des méthodes pratiques pour éliminer la souffrance. Ouais, dans le domaine du physique, il y en a plusieurs. D'ailleurs, dans le domaine de l'astral aussi, vu que les souffrances sont physiques ou astrales. Disons que l'une des méthodes, il y en existe, la preuve, ben, il y en a plein sur la Terre qui se droguent. Puis qui boivent. Alors, il y en existe. Maintenant, ça, c'est juste des... Des palliatifs. Ben, c'est des béquilles, parce qu'à un moment donné, ben, ça te retombe sur le visage. Alors oui, il y a des techniques, mais ça demande énormément de temps à l'individu, parce que ou tu mets énormément d'énergie dans quelque chose, où tu mets énormément de temps dans quelque chose. Alors, où ça prend énormément d'énergie et peut-être même de souffrance radicale d'un premier moment, parce que pour arrêter la souffrance, il faut que tu comprennes. Si tu veux comprendre, il faut que tu comprennes, mais tant que tu ne comprends pas, tu risques de souffrir pour comprendre. Alors, ce qui fait qu'il y a des méthodes qui sont plus radicales, qui sont réellement pratiques, ça prend beaucoup moins de temps, mais disons que ça prend beaucoup plus d'énergie. Alors, il faut que l'individu soit prêt à mettre l'énergie pour pouvoir accéder à ça. Alors, il y a différentes techniques, effectivement. Le temps de la façon que nous le subissons fait souffrir. Peux-tu élaborer? Merci, Normand. Bon, Normand, évidemment, le temps TEMPS veut dire le passage dans l'ère du l'âge de fer de l'homme ou la température. Ça aussi, ça fait souffrir. Ouais. Ou encore le temps chronologique dans le sens qu'on vieillit. Bon. Le temps. Qu'est-ce que c'est que le temps? Y a-t-il ici qui savent c'est quoi le temps? J'ai déjà essayé d'expliquer c'était quoi le temps. Puis tout ça, est-ce que j'essaie de l'expliquer? La grande majorité du moins ne comprennent pas que c'est quoi le temps. Le temps, c'est une quantité d'espace. L'espace, c'est ça ici. Ça fait partie de l'espace. C'est toute la matière. L'air, c'est dans l'espace. L'espace, c'est quoi? L'espace, c'est une quantité de temps. Voilà. Alors, ce qui fait que une personne qui avance le moindrement en ésotérisme finit par découvrir à un moment donné que le temps n'est qu'une conception de sa psychologie astrale et par rapport au temps, l'individu peut donc réussir, donc l'individu astral, à exister. La psychologie astrale, c'est quoi? C'est le schéma mémoriel de l'homme. Donc, le passé de l'homme. Et pour qu'il y ait un passé dans un continuum sans temps et sans espace, ben, il doit y avoir un temps et un espace. Donc, la psychologie émotive et astrale de l'homme a donc élaboré un processus pour lui permettre d'exister, processus d'ailleurs totalement illusoire, qui est le temps. Pourquoi, à un moment donné, un après-midi passe très rapidement et un autre jour, la même après-midi passe très lentement. Votre monde vire à la même vitesse, sauf c'est un digital, les chiffres changent tout seuls, mais le temps passe vite, le temps passe lentement. Pourquoi? Ben c'est ça. Moi, je suis assis ici, puis pas déjà 5 heures dans mon autobus. Le voisin à côté, là, torieux. Mais c'est quoi le temps? Il est passé à la même vitesse pour l'un et pour l'autre, hein? Non, absolument pas. Absolument pas. Pourquoi que l'individu, quand l'individu se sent étranglé, l'individu est en train de mourir, par exemple, il se fait agresser, puis il ne peut pas se sentir, il est en train de se faire étrangler. Pourquoi qu'il est capable, dans l'espace d'un instant, de revoir toute sa vie? Ben essayez donc ça tout de suite de penser à toute votre vie en même temps. Pourquoi que dans un rêve, on peut rêver un rêve, ça prend une heure à raconter ou une demi-heure à raconter pour le rêver en 2-3 secondes? Parce qu'on est dans des continuums spatio-temporels différents. On est dans des temps différents. Le vieillissement, c'est quoi? Le vieillissement, c'est une transformation de votre matière physique obligatoire de par votre évolution pour permettre une acquisition de formes génétiques, donc de formes d'apprentissage, mais qui n'est pas contrôlée par aucune forme d'intelligence supérieure, donc par aucune forme de mental. Le corps physique refuse la transformation, donc refuse le vieillissement. Pourquoi? Parce que la densification parfaite de l'ego, ben c'est votre corps physique. Vous cherchez votre ego, regardez-vous dans le miroir, la pire densification de l'ego, c'est le physique. Par après, c'est ce que nous, on veut que notre physique soit. Ça, c'est l'ego psychologique. Mais l'ego densifié au total, c'est le corps physique. Votre ego refuse le changement parce que l'ego, c'est une mémoire. Donc, la mémoire refuse le nouveau parce que dans le nouveau, il n'y a pas le passé. Donc, dans l'événement présent réel, il n'y a pas le passé. Et l'ego ne pouvant pas faire face à quelque chose de présent, sauf si elle le connaît. Donc, si elle le connaît, elle l'a en mémoire. Quelque chose de neuf, elle ne connaît pas. L'ego refusant ça, bien, l'ego ne veut vivre que par le passé, mais l'ego est obligé de se transformer. Il n'y a pas le choix, il est obligé de... de forcer à se transformer. Donc, l'ego change et refuse, souffre. Mais automatiquement, le corps physique aussi change. Mais automatiquement, le corps physique, même aberré, c'est-à-dire sans astral, sans mental, mais assujetti totalement par le système de l'astral relié au système endocrinien. Le système vital entre les deux, qui est le système de la vie, le système qui conserve la mémoire, bien, automatiquement, le corps physique, sans savoir, refuse la transformation. Et refusant la transformation, il y a donc une lutte. Et dans la lutte, il y a perte d'énergie. Perte d'énergie physique, perte d'énergie vitale, perte d'énergie psychologique, transformation radicale, parce que c'est impossible que l'homme ne veuille pas se transformer, pas dans l'état actuel des choses, pas l'homme psychologique. Donc, il y a une transformation avec épuisement physique, épuisement vital et épuisement psychologique. Une forme d'épuisement psychologique, quand tu es jeune, ça ne te dérange pas de changer de job. Puis quand tu es âgé, ah, ça te dérange en maudit de changer de job. Épuisement psychologique. Alors donc, transformation avec épuisement donne vieillissement tel qu'on le connaît sur tous les corps. Alors le temps de la façon que nous le subissons, j'imagine donc c'est le vieillissement vu qu'on le subit, fait souffrir, parce qu'on ne veut pas souffrir, mais c'est ça le phénomène de la souffrance, donc du vieillissement. Alors il y a transformation, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. L'individu qui ne veut pas comprendre un nouvel événement, ben il panique, il vire fou, ben non, il souffre, ben, il change pareil d'un bord ou de l'autre. Mais il change. C'est une évolution parce que les êtres qui vont naître par après vont pouvoir bénéficier de son vécu. Mais lui, personnellement, dans son laps, disons, de vie, il ne voit pas ça en évolution, mais par rapport à l'évolution planétaire, c'est une évolution. Très lente, mais une évolution quand même. Mais l'individu se transforme avec épuisement d'énergie. La vie n'est pas là pour que tu vieillisses. C'est ridicule de mourir. Présentement, on meurt encore. À un moment donné, on ne mourra plus. Pourquoi? Parce qu'on va devenir des marathoniens de l'évolution, c'est-à-dire qu'on va accepter la transformation, on va accepter l'évolution, puis il n'y aura plus de perte d'énergie dans la transformation. Il va y avoir que conservation et même récupération d'énergie. On va augmenter notre schéma énergétique. Alors, c'est pour ça qu'on subit le temps. Qu'est-ce que c'est qui se passe, Daniel, lorsqu'un événement comme, disons, celui dont je me souviens, là, Albert Einstein, était dans son laboratoire, ça faisait 8 jours qu'il travaillait dans son laboratoire, il n'avait pas mangé, il n'avait pas faim, il était tellement concentré dans ce qu'il faisait, et lorsque sa sœur arrive et puis elle se rend compte qu'il y a 8 jours, c'est-à-dire elle le met face à la situation, ça fait 8 jours qu'il n'a pas mangé. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Ben, c'est passé simplement que le bonhomme, n'ayant pas d'ego suffisamment puissant pour empêcher une transformation, et que le bonhomme ne recherchait que la transformation présente dans son laboratoire de type mental, donc que sa personnalisation mentale était presque faite, parce que l'homme est encore loin de là, il avait arrivé à peine une identification mentale, bien, cet individu-là avait des formes de programme, même au niveau de son astral, qui acceptait jusqu'à une certaine limite la transformation. Or, ce qui fait que ce bonhomme-là n'avait pas de perte d'énergie, parce que quand il était concentré, bien, il ne vibrait que pour la transformation mentale, mais étant programmé comme ça depuis sa jeunesse, donc il ne vivait que pour une programmation changeante astrale, vitale et physique. Donc, automatiquement, cet individu-là ne pouvait ne pas perdre d'énergie, donc pendant ces 8 jours-là, arrivait à peine à vieillir et à perdre d'énergie. Ne vieillit pas à ce moment-là. Non, mais quand il sortait ailleurs, bien évidemment... Comme, si ça lui a paru être 24 heures, ces 8 jours-là, c'était pour lui sa réalité. D'ailleurs, Einstein, c'était le premier à dire que le temps est une illusion. C'est ça. Hein? C'était le premier, Einstein, à amener à annoncer ça, que le temps est une farce. Je comprends donc, il jouait avec un petit peu. Ouais. Il a amené l'espace, l'hyperespace. Ça, c'est pour les hyperdingues, ça. Parce qu'il n'y a pas d'hyperespace. L'espace n'existe pas. Alors, il y a un espace là, puis il y a un hyperespace autour, puis quand tu t'en vas dans l'hyperespace, ben, tu peux voyager en un an de temps en 2 jours. Puis là, tu reviens dans l'espace, puis là, tu es rendu à la distance que tu aurais passé en un an. Mais la distance, c'est quoi? Ça a rapport au temps et à l'espace. Mais le temps, c'est quoi? C'est de l'espace. Puis l'espace, c'est du temps. Puis Einstein était le premier à le dire. Personne ne l'a compris, mais c'était le premier à le dire. Puis effectivement, il s'amusait là-dedans au coton. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui l'ont dit avant, mais il disait, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Ouais. Tandis que lui a donné une explication intellectuelle. Mathématique. Mathématique, c'est plutôt, ça. Excuse. Non, c'est ça, intellectuel. Pourrais-tu expliquer plus clairement ce qu'est l'ajusteur de pensée, Lise? Bon, c'est des questions qui reviennent assez souvent parce qu'on les explique assez souvent. L'ajusteur de pensée, je l'ai expliqué déjà de 3 manières différentes. La première, c'était au niveau énergétique. La deuxième, c'était au niveau de la mutation des neurones cérébrales qui permettait à l'individu d'avoir accès à différentes formes de mémoire. Et la parcelle neurologique mutée était l'ajusteur de pensée. Et la troisième manière, c'était que l'ajusteur de pensée, ben, c'était un concept psychologique, une illusion de l'astral, puis une farce. Et puis, ces 3 manières-là sont vraies, tout dépendant de quel individu qui capte le message, puis ce qu'est pour lui l'ajusteur de pensée. Disons que l'ajusteur de pensée, ouais, c'est ça. Il faudrait à un moment donné qu'on étire ça encore sur 1 heure ou 2, mais je pense que je n'aurai pas le temps là. On l'a déjà expliqué assez souvent. Pourquoi celui qui a une fracture à une jambe souffre plus que celui qui a plusieurs membres brisés? Ça fait tellement mal qu'on ne sent plus la douleur. Pourquoi? Bon, parce qu'il y a des processus... Ah, ça c'est Carmen. Je pense. Il y a des processus au niveau physique et astral et mental, donc cérébral, qui permettent à l'individu de ne pas mourir par un choc neurogénique causé par, disons, une hyperstimulation neurologique qui va entraîner un désordre total dans son organisme et puis ça peut l'amener assez loin jusqu'à manger les pissenlits par la racine. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un individu qui a trop de stimuli de souffrance va soit perdre connaissance, qui est un des phénomènes, ou à un moment donné, bien, le corps va arrêter carrément de lui transmettre parce que là, ça serait réellement dangereux. Alors, il y a un paquet de phénomènes endocriniens, il y a un paquet de phénomènes biologiques qui vont se passer pour justement interdire à l'individu de souffrir. Bon. Ça, c'est logique. Un individu, par exemple, qui se brûle dans un incendie ne souffre pas. Parce que l'interprétation dans la région cérébrale de la douleur, par exemple de la main brûlée, je ne parle pas d'une main carbonisée, une main brûlée, carbonisé, il ne sent plus non plus parce qu'il n'y a plus de nerfs pour transmettre, mais une main brûlée. Alors, la partie qui, normalement, devrait interpréter ça comme étant une douleur, l'individu le perçoit, mais l'individu n'y est pas attentif parce que l'individu est trop attentif à sa survie. Alors, il y a donc des contextes au niveau physique qui obligent l'individu à vivre parce que l'individu n'a pas le choix, hein, sauf s'il se suicide, mais l'individu qui se suicide, c'est parce qu'il y a un astral et une parcelle de mental de développer parce que les animaux ne se suicident pas. Il y a des phases d'animaux qui vont se suicider en masse, là, mais eux autres, c'est simplement parce que c'est génétique dans leur code, ça n'a aucun rapport avec l'astral. Ils ne décident pas de se suicider. Ils ne savent pas qu'ils se suicident. Bon. Alors donc, notre individu lui-même, ce qui va arriver, c'est que le corps physique, à un moment donné, empêche l'interprétation de ces phénomènes-là. Ma main vient d'être brûlée parce que j'ai ouvert une porte, mais crime, le feu y est pris. Dehors, après, puis pas mal après, m'a commencé à sentir que je me suis brûlé la main. Puis là, ça va faire mal. La douleur est toujours là, mais non interprétée par la conscience, parce que la conscience va être localisée ou focalisée dans une région plus particulière de notre cortex. Bon, la conscience, c'est un phénomène, ça, qui se déplace. J'ai déjà expliqué à un moment donné que s'il y avait un camion de 15 tonnes qui te passait sur le pied, bien même, ça faisait mal au pied. Puis même si je te piquais une aiguille d'une fesse, tu ne sentirais pas l'aiguille. Toute ta conscience est localisée dans l'endroit dans le pied ou dans l'endroit qui va recevoir les stimuli du pied. Pas dans les fesses que je pique avec l'aiguille. Il m'a dit, t'as gagné 1 million. La conscience n'est pas placée dans ces endroits-là. La conscience se déplace. Alors, un individu qui a plusieurs fractures, bien, à un moment donné, il va souffrir lentement, un peu, pas trop vite. Puis, évidemment, tout dépendant encore du genre de nerf qui peut être stimulé, parce qu'il y a des genres de fractures ou genres de problèmes qui sont hyper douloureux. Hein? Quelqu'un, par exemple, qui a des pierres à la vascule biliaire, des pierres au foie, disons, qui sont dans le déplacement, une rage de dents. Tu auras beau avoir 20 dents qui vont faire mal, tu vas le sentir. Pourquoi? Parce qu'il y a ça, il y a des phénomènes au niveau du cerveau qui sont assez complexes à élaborer en conférence comme ça. Là. On va le faire à un moment donné au niveau d'un cours, mais pas là. Qui, justement, interdisent à l'individu de mourir par un excès de souffrance. Tout ce que tu as là, ça ne te tuera pas, mais la souffrance peut te tuer. Fait que tu vas au moins souffrir. Mais une fracture de bras, tu vas souffrir parce que là, le phénomène réflexe, donc, le phénomène d'instinct de conservation n'entrera pas en fonction parce que ça n'est pas nécessaire. Alors, ce qui fait que l'individu va souffrir moins s'il y a plusieurs symptômes traumatisés, moins, enfin, il ne souffrira pas, c'est-à-dire que les souffrances, les blessures n'additionneront pas des souffrances sur son schéma. Il peut souffrir autant qu'un gars qui a un bras cassé. Encore là, il faut voir l'interprétation astrale de la souffrance du bras, ça va de soi. Alors, c'est pour ça. Quels moyens prendre pour ne pas souffrir? Tous les moyens. Accepter que la mémoire se transforme, point d'interrogation. Comment, point d'interrogation, Jocelyne? Alors, Jocelyne, accepter que la mémoire se transforme, évidemment, c'est la mémoire qu'il faudrait qu'il accepte ça. Bon. Puis c'est évident que si la mémoire accepte la transformation, bien, ça va ôter les souffrances, mais ça ne veut pas dire que l'individu va évoluer. Alors, il y a d'autres parcelles de sa psychologie, de ses plans qui peuvent souffrir. Le vital peut souffrir, le physique peut souffrir, le mental avec. Disons que si le mental est capable de gérer les transformations de l'astral, il n'y a plus aucun problème, l'individu ne souffre plus, puis l'individu évolue. Mais la souffrance, présentement, la meilleure chose, c'est pas d'être à la quête, de partir à la quête du Graal anti-souffrance, hein? C'est de comprendre les mécanismes de la souffrance, de voir effectivement que quand l'on souffre, c'est un empêchement, c'est-à-dire qu'on ne veut pas transformer quelque chose en nous, c'est pour ça qu'on souffre. Tu veux t'en aller, je veux pas. Je vais me faire couper un bras. Ça fait bien plus mal à ma psychologie qu'à mon physique. Hein? Bon, parce que c'est la psychologie qui empêche le physique d'évoluer. C'est la psychologie. Pourquoi tu n'as pas fait du jogging avec moi parce que t'es paresseux? Parce que tu te penses pas capable. Parce que c'est un paquet de raisons. C'est pas le physique à moi qui te manque une jambe. Puis même là, Terry Fox traversait la moitié du Canada avec une jambe en moins. Hein? Et c'est pas le physique qui te nuit. On pense que le physique nous limite parce qu'on est trop large pour le développer pour qu'il nous limite plus. Fait qu'on dit qu'il nous limite, le physique. Il nous limite pas, le physique. Mais toi, ta psychologie est trop large pour le faire travailler pour qu'il te limite plus. C'est ça, le problème. Trop large ou programmé en fonction de ça. Ben, c'est ce que j'appelle trop large. Donc, t'es programmé en fonction de ça. Alors, ce qui arrive présentement, il faut juste comprendre les mécanismes même de la souffrance. Je pense qu'on les a assez élaborés. Puis observer quand ça se passe. Et automatiquement, on n'aura pas à se programmer pour l'instant, du moins. Pour que notre émotivité se transforme, mais automatiquement, elle va se transformer. Tu sais, exactement comme quelque chose qui ne va pas dans ma tête, ça ne marche pas, je souffre. Je vais voir un médecin, un psychologue, un psychiatre ou quelqu'un qui me donne un conseil. J'écoute son conseil. C'est mon mental qui écoute. Ça a de l'allure. Puis après ça, ben c'est vrai. Je ne souffre plus. La transformation s'est opérée. Je n'ai plus de souffrance. Mais je n'ai pas eu à souffrir pour arrêter de souffrir. Pas travailler pour ça. Alors, la chose la plus facile pour l'instant, puis c'est la meilleure affaire, parce que dans une conférence, donner trop de choses, ça amène du monde à trop de problèmes. Hein? Alors, quand on leur parle face à face, c'est différent. Présentement, disons que la meilleure chose, Jocelyne, c'est ça, c'est que tu essaies de bien comprendre les mécanismes qui vont gérer la souffrance, puis observer quand l'on souffre, c'est un refus d'une transformation. C'est pas de dire « faut que je me transforme ». Alors, disons présentement, puis c'est un très bon moyen. La souffrance dure tant que l'homme se prend au sérieux. C'est ce que les conférenciers disent. Même si l'homme ne se prend pas au sérieux, la souffrance reste quand même parce que l'homme n'est pas dans sa pleine conscience. Pour l'homme en voie de conscientisation, comment réagir face à la souffrance, surtout quand celle-ci l'obsède tous les jours? Voilà, cet homme-là... se prend au sérieux. Parce qu'un individu qui ne se prend pas au sérieux ne souffre pas. Donc, on va élaborer c'est quoi se prendre au sérieux. Juste, je n'élaborerai pas trop parce que pour une fois, ça n'a pas été dit en conférence. Hein? Je n'aurais pas besoin d'acheter la cassette pour le savoir. Mais ça va être dit dans une prochaine conférence qui va s'intituler « L'humour dans l'évolution ». On va rire ce soir-là. Faites-moi confiance. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un individu qui ne se prend pas au sérieux brièvement, c'est un individu qui ne prend pas ses désirs sérieusement. Qu'est-ce que c'est de ne pas se prendre au sérieux? Ça veut dire ne pas mettre d'importance quelque part. Alors, si toi, tu me lances un verre d'eau au visage, je me prends pas au sérieux. Mais franchement, tu aurais pu faire attention. C'est que je mets de l'importance sur le fait qu'il aurait pu ne pas faire ça. Donc, je me prends au sérieux. Savez-vous c'est quoi l'humilité vraie? Pas celui qui est modeste puis qui s'en vante. La vraie humilité. Bien, l'humilité, c'est quelqu'un qui, premièrement, ne sait pas qui est humble. Ça va de soi, parce que quand l'ego, c'est ça, il y a déjà une phase d'humilité qui disparaît. Bien, c'est une personne qui ne se prend pas au sérieux. L'individu qui souffre ou qui en est même, qui finit à un moment donné par être angoissé ou même par être névrosé ou à un moment donné, obsédé, bien, c'est un individu qui attache de l'importance à ce qu'il obsède. C'est pour ça que la chose l'obsède. Donc, l'individu se prend au sérieux. Se prendre au sérieux, ça ne veut pas dire de se donner de l'importance par rapport à notre ego, à la personnalité qui rayonne. C'est pas ça, ne pas se prendre au sérieux. Ne pas se prendre au sérieux, c'est de ne pas attacher d'importance à quoi que ce soit, tout en faisant ça sérieusement. C'est important. La vie, c'est pas important. Fait que je m'en vais me suicider. Mais la mort, c'est-tu plus important? Non. Mais pourquoi de bord, tu restes pas en vie? Bon, mais c'est comique. C'est ça. Mais vu que t'es vivant, ben reste vivant pour l'instant. Tu prends rien au sérieux. T'attaches pas d'importance à ni un ni l'autre. Donc, t'es beaucoup plus enclin à faire ce que t'appelles souvent les voies du Père, c'est-à-dire à suivre le chemin que la vie a dressé pour toi là. Qui n'a pas... La vie te dresse un chemin sans souffrance, sans résistance, avec tout ce que tu as besoin, puis même bien plus que ce que tu as besoin. Mais ça, il faut que tu t'en ailles. Tiens, mon char s'est fait voler, il faut que je marche, il faut que je prenne l'autobus. Ça ne veut pas dire que tu pourras rire, tu n'es pas un clown. Tu peux rire si ça te tente, mais le rire peut camoufler un phénomène. Mais tu n'es pas un clown. Par contre, tu n'es pas obsédé, ça fait 20 chars qu'on te vole. Bon, ben, crime, arrête d'être obsédé, mets-toi un cadenas dessus, achète-toi plus de char, achète-toi un chien, mets là-dedans. Il y a quelque chose à faire. Mais tu attaches trop d'importance au phénomène. Donc, tu es obsédé. Donc, tu te prends au sérieux. Parce que l'ego de l'homme, c'est pas juste l'apparence physique avec nos vêtements, nos maquillages, puis tout ça. C'est pas juste notre langage, puis ce que les autres pensent de nous autres. L'ego de l'homme, que l'homme connaît, c'est ce qu'il est en réalité, qu'il connaît presque pas. Ce qu'il veut être. Alors ça, il pense que pas se prendre au sérieux, c'est jouer avec ça. Puis il est ce que les autres pensent qu'il est. Puis il pense que pas se prendre au sérieux, c'est pas faire attention à ça. Non. Pas se prendre au sérieux, c'est quoi? Faut que toutes les émotions, que toutes les stimuli qui naissent dans l'astral, bien, faut que ces affaires-là, on ne leur attache pas de l'importance. C'est juste ça. Ça, c'est ne pas se prendre au sérieux. Puis l'homme ne peut pas souffrir dans ce temps-là. On va y revenir, mais l'humour dans l'évolution. La peur peut-elle faire évoluer un individu en changeant ses vibrations? Certains sorciers se servent de la peur dans leur initiation. Cette méthode est-elle encore valable? Maurice. On voit-tu la peur, Maurice? La réelle peur. La peur, celle qui fait peur. La seule chose qu'elle peut faire, c'est évident qu'elle transforme un individu. Normalement, la peur va transformer un individu qui est sujet à la peur, donc un individu qui ne peut pas contrôler, c'est-à-dire qui ne connaît pas la peur, qui ne connaît pas les mécanismes de la peur. Bien, cet individu-là va se ramasser normalement. On parle de sorciers, on ne parle pas de mages. Effectivement, les mages n'ont jamais fait d'initiation dans laquelle était placée la peur. Les mages ont pu faire peur pour montrer, enseigner à un individu qu'il n'était pas prêt, qu'il n'y avait pas d'affaire là. Puis si l'individu a un ego, donc un orgueil de savoir tellement puissant qu'il vient même jusqu'à espionner, bien s'il en veut des chauves-souris ou des monstres dans le visage, il va en avoir, parce qu'il n'est pas prêt. Mais le sorcier, la différence entre un sorcier et un mage, le sorcier c'est la magie noire, le mage la magie blanche, Merlin l'enchanteur était un mage. Alors voilà, le sorcier va se servir de la peur, c'est normal, parce que la peur va simplement permettre à l'individu d'entrer en contact avec le côté obscur des forces qui régissent notre astral planétaire, donc des forces sataniques, donc du mal. Alors ça fait des maudits bons sorciers. Ça donne des résultats plus rapides, mais le prix est beaucoup plus cher. Très. Les initiations au niveau de la peur aujourd'hui, ce serait simplement dans le sens que toi, tu es presque prêt à connaître la peur. Donc, à connaître, à vivre les mécanismes de la peur. Donc, à la connaître suffisamment pour pouvoir cheminer avec elle suffisamment pour l'annihiler à tout jamais. À tout jamais, c'est une farce, parce que tu vas toujours avoir peur qu'il va se passer de quoi, mais automatiquement, tu l'éteins. Donc, ça donne l'impression que tu n'as plus peur. Tu n'es pas courageux. Tu es loin d'être courageux. Tu n'as pas peur. Ce n'est pas pareil. Alors, ce qui arrive, c'est que ces rares initiations-là vont encore servir d'un temps qui s'en viennent, mais c'est exclusivement réservé à des individus qui, d'une façon certaine, ne mourront pas lors de l'initiation, mais vont traverser l'initiation. Alors, vois-tu, c'est que les initiations qui s'en viennent, faites par des mages ou par des personnes qui vont être assez conscientisées, on a fait assez de gaffe là-dedans, puis l'homme courant, même vous autres, hein, vous faites assez de gaffe là-dedans. Ce qui arrive à un moment donné, c'est que les initiés, tu sais, moi, puis vous autres, on a fait assez de gaffe, on en fait assez suffisamment, qu'à un moment donné, on va faire attention. Alors, si tu peux être initié par la peur, tu vas venir. Mais tu ne tomberas pas dans le côté satanique, tu vas mourir ou tu vas passer. Alors, ce qui fait que c'est très, très, très limité, les initiations par la peur aujourd'hui, puis ça va l'être aussi au niveau du futur. Mais ça a un certain bon. Ça a un certain bon côté, oui. Il y en avait plus autrefois que... Oui, mais il y avait beaucoup qui sont allés du côté satanique aussi. C'est ça. Mais il y en avait qui étaient faits pour ça. C'est ça. C'était normal. Mais ça, c'était dans l'ancienne... dans l'ancien monde, qui était l'ère de la croyance. Là, évidemment, on parle d'une peur terrible. Là. Une peur absolument terrible. Si on parle de l'autre genre de peur, qui était simplement « faut que tu aies peur pour que tu puisses me respecter après en tant que maître », ben là, c'est plus pareil. C'est de toute façon, disons, très astral, puis c'est pas de ça qu'on va servir. Parce que les gourous qui ont besoin de disciples, ben, moi, je dis franchement, il va y avoir de moins en moins de disciples pour aller les voir. Hein? Le fait de prendre de la drogue, quelle qu'elle soit, peut-il amener une personne à évoluer plus rapidement, Marielle? Bien, lequel qu'elle soit, non. Parce qu'il y a des drogues, de toute façon, qui vont amener l'individu à avoir des phénomènes, des contacts dans l'astral. Parce que toutes les drogues amènent que des contacts dans l'astral. Les drogues ont aidé certaines formes d'évolution dans l'Antiquité pour permettre à des corps non développés suffisamment de pouvoir justement voyager dans des sphères astrales assez évoluées pour pouvoir augmenter leur schéma vibratoire astral, donc vital, donc physique, donc évolué. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule drogue qui est capable de faire en sorte qu'un corps physique, qu'un corps vital, qu'un corps astral puis qu'un corps mental évolue. Présentement, l'homme est en évolution de par son principe mental et la drogue n'affectant que son principe astral dans le voyage et détruisant des neurones du cerveau à l'endroit où va se placer la conscience mentale. Alors, les drogues ne font que nuire à l'homme qui veut évoluer. L'homme peut avoir des feelings, disons, des semblants de contact supramental, l'homme peut effectivement entrer en contact avec une mémoire supramentale, donc avec l'astral supramental, un laps de temps, mais l'homme se s'auto-détruit en prenant des drogues. Présentement, le mental de l'homme est capable de stimuler suffisamment l'individu, soit par des techniques ou soit parce que l'individu en est rendu là seul. Le mental est capable de stimuler suffisamment l'individu pour donner à l'individu les mêmes tripes que la drogue va donner, sans séquelles puis sans quoi que ce soit. Ce n'est pas nécessairement plus utile pour l'évolution, mais ça n'empêchera pas l'évolution de ce corps-là, parce que les drogues nuisent au corps. Bon. L'évolution mentale puis l'évolution d'énergie supramentale va se faire prochainement dans une mutation des neurones du cerveau. Le fonctionnement chimio-électrique des neurones va être transformé en fonctionnement électrique. Donc, on va avoir une accélération du processus mental. Donc, l'homme va être drôlement plus conscientisé au niveau mental. Le mental étant supérieur aux autres plans, donc dans le niveau intégral des quatre plans inférieurs, du plan planétaire, donc. Mais quand vous prenez de la boisson en masse pour qu'il y ait assez d'alcool dans votre sang, qu'est-ce que ça fait? Ça vient nuire aux échanges d'informations électriques entre les neurones. Donc, vous avez des réflexes plus lents. Vous parlez plus chargement, vous avez des... comme ça. Bon. Si vous prenez de la drogue, bien, cette drogue-là aussi n'accélérera pas le processus mental. Elle peut donner l'impression de l'accélération du processus mental parce qu'elle joue dans l'astral et c'est dans l'astral qui est localisé le phénomène illusoire du temps. Donc, si elle perturbe la perception que vous avez du temps, elle donne l'impression qu'en un court laps de temps, vous avez accès à plein des choses. Mais l'illusion du temps est dans l'astral. Mais il n'y a pas eu d'accélération dans votre processus de pensée. Parce que demandez à quelqu'un qui vous a vu faire, non, il y a même eu un ralentissement du processus. Et en plus, avec une drogue, moi, je suis drogué, là, je trippe, je rencontre un maître. Il fait pogner ici, bien, je brûle avec le maître. Non. Si c'est le mental qui travaille, s'il fait pogner ici, vous ne brûlerez pas avec le maître. Vous allez être en bas bien avant quelqu'un. T'sais? Alors, il n'y a aucune drogue présentement qui peut être utile à l'homme. C'est tous des phénomènes nuisibles à l'homme. Puis en plus, ça a deux formes. La drogue n'agissant que sur l'astral, la drogue va donc automatiquement enclencher des phénomènes mémoriels. C'est pour ça qu'on appelle ça une drogue. Qu'elle va renforcer, d'ailleurs. Eh oui, c'est pour ça qu'on appelle ça une drogue. Alors, si vous prenez une drogue, votre physique en a besoin. Mémoire. Votre vitalité en a besoin. Mémoire. Votre astral, votre psychologie en a besoin. Mémoire. Puis c'est pas en devenant attaché à des choses, donc en augmentant notre schéma de dépendance, qu'on devient indépendant. Question assez longue ici, Daniel. Là. Il y en a plusieurs longues. J'essaie de passer les plus courtes en premier parce que le temps avance. On va en passer une longue. L'énergie cosmique n'est-elle pas calculée dans le temps planétaire? Alors, lorsque l'énergie cosmique descend en l'homme, l'homme sent un vide total en lui, sans aucune pensée, sans aucune émotion. Ce vide total que l'on ressent lors de cette descente d'énergie serait-elle la cause que l'énergie cosmique ne fait pas partie du temps planétaire? Et lorsque l'on ressent ce vide, on s'ennuie parce qu'on a l'habitude de penser. Alors, on crée notre propre souffrance psychologique, mais cet ennui ne serait-elle pas un ennui différent de celui que l'on connaît, Sylvie? Disons, Sylvie, que je pourrais répondre à oui. Non? Parce que je pense qu'elle répond avec les choses. Sauf que l'ennui que l'on connaît à ce moment-là, c'est pas un ennui différent. C'est simplement un phénomène émotif, astral, qui s'exprime. Non? Et puis, effectivement, il y a des choses au niveau de l'astral qui ne peuvent pas s'exprimer. C'est-à-dire qu'on ne peut pas penser, comme justement tu disais, Sylvie. Alors, si tu ne peux pas réussir à faire sortir des images, parce que tu penses pareil, tu penses que tu ne penses pas, mais tu ne penses pas sur tous les plans. Donc, tu n'as pas le visuel, l'olfactif, le gustatif, l'auditif, bref, dépendant évidemment comment tu arrives à penser, en couleur, en noir et blanc, en mots ou en visuel, des formes, des dessins. Mais il y a une émotivité astrale quand même qui veut s'exprimer, ne pouvant pas s'exprimer de la façon qu'elle veut. Donc, elle aimerait parler, elle aimerait triper sur ce qu'elle a vécu, elle aimerait n'importe quoi. Ben, elle s'exprime quand même par une lassitude. Ce qui va arriver à un moment donné, c'est que ton mental va être suffisamment développé pour que, si cette énergie-là, si c'est bien énergie, disons, cosmique, qui descend et qui, effectivement, ne regarde pas le temps, hein? L'énergie ne descend pas en une heure. Tous ceux qui ont eu des descentes d'énergie perdaient le phénomène du temps, donc ne savaient pas, à un moment donné, ça fait déjà 2 heures que je parle, je pensais que c'était 5 minutes, ou bien, ben, paf, flaf, il n'y a plus rien. Parce qu'il n'y a pas eu de temps dans l'énergie. Dans le présent, il y avait énergie. Puis maintenant, tu essaies de la trouver, l'énergie, tu fouilles donc dans ton passé. Tu fouilles dans ta mémoire pour savoir si tu te rappelles qu'elle était là. Parce que si je te donne un coup, le temps que prend l'influx électrique à se rendre au cerveau, bien, le coup n'est plus donné. Puis là, je me rappelle, même un millième de seconde en arrière, que j'ai reçu un coup. Parce que la conscience que l'homme a de l'événement extérieur, c'est une conscience mémorielle, c'est parce que c'est enregistré dans la mémoire. Parce qu'un individu qui n'a aucune mémoire ne sent même pas qu'il touche à un verre, parce que tous les fois qu'il s'est perçu au niveau du conscient, c'est effacé. Il ne sait pas qu'il touche au verre. En ayant une mémoire, il additionne les stimuli au millième de seconde et finit par avoir l'idée qu'il touche au verre. L'énergie cosmique, ou supramentale ou patati ou patata. Quand elle descend, bien évidemment, elle n'est pas assujettie au temps. Et l'ennui qu'on ressent, c'est simplement le phénomène de différence de potentiel, surtout, qui fait que j'ai senti une forme d'énergie, j'ai senti quelque chose, puis même à un moment donné, tout mon ego est attentif à revivre ce phénomène-là, qu'il ne revit pas. Alors, il n'exprime rien d'autre, il ne fait qu'être en attente, puis il exprime le fait qu'il attend. Puis quand on attend, on s'ennuie. Lorsque Lazare resta 3 jours comme soi-disant mort, n'était-il pas ailleurs pour son fusionnement? Et n'avait-il pas été aidé par le Nazaréen pour ce fusionnement? Marie. Les questions arrivent toujours en leur temps. Une chose est sûre, c'est que celui qui est rentré dans le sépulcre, il fallait qu'il ait une confiance absolument extraordinaire, mais une confiance qui était placée dans sa vie, non pas dans la vie, mais dans sa vie qui vivait dans la vie pour faire ce geste. Maintenant, pour ce geste, peut-être que toi, tu peux, moi j'ai fait mon petit bout, tu peux peut-être faire ton petit bout. Bon, on n'a pas le temps, c'est pour ça que je dis que les questions arrivent toujours en leur temps. Non, à un moment donné, disons qu'on va peut-être revenir plus longuement sur les enseignements du Nazaréen, donc les enseignements donnés à Lazare. C'est une forme d'initiation. Il n'a pas fait d'erreur, le Nazaréen. Tu meurs, tu passes. Lui, il a passé. Alors, il s'est passé énormément de choses. Évidemment, ça l'a aidé à son fusionnement. Le fusionnement des corps primaires, donc les 4 corps planétaires. Alors, c'est ça que le Nazaréen a fait avec. Mais ça, on va revoir ça beaucoup plus tard.